Nous commençons cette édition du Canada de la Sainteté avec ces différents faits divers du côté du Canada avec l'attaque à l'oratoire de Saint-Joseph qui le père Claude Croux qui a été poignardé alors qu'il faisait sa messe à Saint-Joseph qui a comparé samedi. Et nous avons également une pensée pieuse pour ce papa qui a perdu ses 5 enfants et qui est dans l'incendie, qui est toujours dans le coma. Nous pensons également à cet éboulement des forces de terrain sur l'autoroute numéro 3 près de Kérémès. Nous pensons également à tous ceux dont là qui ont perdu des gens, notamment particulièrement les deux morts dans un incendie à Saint-Marie-en-Beauce du côté de Canada. Et Canada, nous disons Canada dans la sainteté, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à notre sœur de la Roche. Bonsoir, mon bien-aimé. Ça va? Bonsoir, frère. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen, mon frère. C'est toujours une délice et toujours un réel plaisir pour moi de me joindre à vous pour partager le pain quotidien. Bonsoir au couple Camille Bana. Bonsoir, frère. Ça fait vraiment plaisir de te revoir. Ouais, ça fait longtemps, là. Mais votre caméra est cachée. Nous pensons également à tous ces gens du côté du Canada également qui ont perdu, ces papas principalement qui a perdu tous ses produits laitiers dans l'incendie. La sœur Vanessa Monte, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, que la grâce et la paix te soient multipliées. Ouais. Amen. La famille t'a mis bonsoir. Bonsoir, shalom, frère. Je ne sais pas si tu es toujours connecté avec Maroc Télécom, parce que la connexion semble faire toujours comme au Maroc. Tu es resté fidèle à la connexion marocaine, quoi. Vous m'entendez, non? C'est un suicide. Oui. Ok. Comment tu vas? Je vais toujours très bien. Très bien, très en forme. Oui, mais je vois juste la seule personne qui voit sur mon écran, c'est la sœur Delaroche. La sœur Cyril Gladys, bonsoir. Bonsoir, frère. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va par la grâce de Dieu. La Bible déclare que l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Tu sais, tu connais ce verset, ma chère Gladys? Oui, mon frère. Donc, il ne doit pas avoir l'inquiétude dans le cœur. Non, pas du tout. Voilà. Shalom tout le monde. Shalom. Bonsoir, la sœur Alphonsine. Bonsoir, mon frère. Comment tu vas aussi, ma soeur? La soeur, elle est... Ah, donc, ce sont les gens des États-Unis qui ont immigré de à quelque part. La soeur Monique, bonsoir. Est-ce qu'on peut commencer ce soir maintenant? Je crois que les femmes qui sont à la cuisine, qui sont en train de travailler, je crois qu'il est temps maintenant qu'elles vérifient les connexions et puis on y arrive maintenant à travailler. Voilà. Thank you. sentir, tout ressentir. Il y a quelqu'un qui t'aime, bien plus que tu ne l'imagines, et qui pour toi est peut-être par des soupirs, Edith Abel, notre sœur, dans l'Esprit de Dieu est là. Nous commençons ce soir maintenant, Canada dans la sainteté. Bonsoir tout le monde, installez-vous confortablement. Je crois que j'ai salué tout le monde, n'est-ce pas? Tout le monde est là, la sœur, Flo, la sœur Karine également. Il y a quelqu'un qui m'écoute au Canada, mais qui n'est pas connecté ici. Comment il veut l'adresser cette parole-ci? Je m'adresse à toi qui m'écoute chaque fois et que tu dis, est-ce qu'il peut m'aider? Le Saint-Esprit te dit que ta maladie peut être guérie et il y a la voie de la solution pour toi. Tu m'entends très bien. Tu n'es pas connecté à ce forum, je m'adresse à toi maintenant. Bonsoir à notre bien-aimé qui vient également de nous jouer maintenant. La sœur Karine, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir à notre du côté d'Accra, bonsoir la sœur Elena. Oh, il y a deux Elena ici aujourd'hui. Je crois avoir vu et Crescence Home connecté. Alors, des questions? Y a-t-il des questions? Mais le frère Camille, tu es où comme ça? Tu es dans le bon cœur. Ne t'inquiète pas, les catastrophes n'ont pas encore commencé là-bas. Je cherche le bon cœur, mon frère. Je ne vais pas parler alors. Vous m'entendez, vous me voyez, n'est-ce pas? Voilà. Y a-t-il des questions? Si vous n'avez pas de questions, on va dans les Saintes Écritures, on va voir un thème. On a une question, frère. Oui. Bon, j'aimerais juste savoir, quand le Seigneur dit dans Genèse 5, qu'il a fait l'homme à sa ressemblance, qu'est-ce que ça veut vouloir dire? Qu'est-ce que ça inclut et qu'est-ce que ça n'inclut pas? Je crois qu'il y a un enseignement de trois heures consonance là, créant l'homme à notre image. Ok, merci. Que le Seigneur te bénisse. La suite. Mais c'est pour cela que nous sommes là. Nous sommes dans la tranche de questions réponses justement. Pose là, ma soeur. Il n'entend absolument rien. Quand je parle de la circoncision du cœur, elle envoie concrètement à quoi? À la nouvelle naissance, ma soeur. S'il vous plaît, c'est facile. La suite. Comment tu vas le baptême sans esprit sans être converti? Sans être né de nouveau? Ou bien le contraire? Non, je crois que son aboutissement est le baptême dans le Saint-Esprit de la circoncision du cœur. L'aboutissement de quoi, ma soeur? La circoncision du cœur. Dieu ne fait pas le ralenti, d'accord? D'accord, ma soeur, tu m'as suivi, n'est-ce pas? Pourquoi là, ça bouge là-bas? Ça bouge chez quelqu'un là. La soeur d'erreur, j'espère que tu m'as suivi, non? Je n'ai pas très bien suivi ce que tu as dit, mon frère. Philippiens chapitre 3. La vie de l'esprit, c'est une vie magnifique. Ouf. Philippiens chapitre 3, le verset 3 particulièrement. Qui va lire là? Je ne vois que le frère Camille sur son sa vidéo. Je ne sais pas si vous me voyez, je ne sais pas ce que les autres font. Ou bien au Canada maintenant, le froid a gelé toutes les caméras. On va voir. Chez les autres. Ah, vous voyez, vos caméras sont ouvertes alors. Oui. Donc c'est ça. Ça dit que ça gèle par petit d'ici. Alors, Philippiens chapitre 3, verset 3, qu'est-ce que ça dit? Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Amen. Encore ma soeur. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Donc, qui sont les vrais circoncis? C'est nous. Ça dit quoi? Nous, les convertis, les disciples de Jésus-Christ. C'est ce qu'on a dit là-bas. Nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Il n'est pas dit disciple là-bas parce qu'on peut dire disciple de Jésus-Christ sans être, sans avoir son esprit à lui. Voilà. Donc ici il est dit de ceux dont il rend culte à Dieu par l'Esprit. C'est ça dont il est question. Et ce sont ceux là dont on parle dans la Bible comme étant les adorateurs en esprit. N'est-ce pas ma soeur? On n'a pas dit là-bas que ce sont les vrais circoncis, ce sont les disciples de Jésus-Christ. Vous pouvez être disciple du Seigneur Jésus-Christ sans être converti. Disciple du Seigneur Jésus-Christ sans avoir son esprit. C'est la Bible qui nous enseigne ça, non? Oui. Ok. Donc, vous voyez que d'après le livre d'Ézéchiel, au chapitre 36, le verset 24 à 26, où il a prophétisé cela de façon claire dans l'ancienne alliance, il a parlé de toutes ces choses là-bas, la restauration du toit, du cœur, du pouls, des idoles, ainsi de suite, et il devrait mettre tout cela et son esprit dans la chair. C'est donc cela qu'on parle de circoncision du cœur. Or, la circoncision de la chair dont on fait sur les enfants mâles était un signe de cela pour montrer effectivement que l'alliance est dans notre chair. Okay. Le vrai problème maintenant qui se trouve au milieu du monde maintenant, c'est que les gens ont des compréhensions. Bon, laissons les compréhensions. Je ne sais pas si vous m'entendez. Les gens ont des appréhensions et par conséquent, les gens sont convaincus sans être convertis. C'est le vrai problème là-bas. Il y a des gens qui peuvent accepter le message du Seigneur Jésus, accepter que la Bible est vraie, qu'il y a un seul Dieu, que Christ est Dieu venu en chair, tout cela, accepter toutes les vérités bibliques sans être toujours pour autant converti. Est-ce que pour ce qui est de la conversion, il est question de l'acte du Saint-Esprit? Pour la compréhension et l'acceptation, l'esprit humain peut accepter certaines vérités tout simplement sans en être convaincu par le Saint-Esprit. Vous voyez? Pendant qu'un démoniaque va dire Jésus tu es le fils de Dieu très haut, quelqu'un va dire que non, il n'y a pas de fils de Dieu. Dieu n'a pas de fils. Un démoniaque le dit. Et c'est le démon qui dit que tu es le fils de Dieu, je sais qui tu es. En confessant qu'il est le fils, lui n'a pas la vie. En dedans, la Bible déclare que si quelqu'un croit que Jésus est le fils de Dieu, il a la vie éternelle. Mais le démon lui croit qu'il est le fils de Dieu très haut. Il met même très haut là-dessus. Puisque là, il n'a pas la vie. Donc on peut effectivement confesser sans posséder. Courage. Je suis seulement calme, attends les questions. Posez. Alors, frère Junior. Oui, ma soeur. Dans le message sur au niveau de la solution numéro 3, tu as soulevé un point qui m'a beaucoup plu. Je vais dire, c'était la sixième partie. Lorsque tu parlais de Pierre, quand Dieu lui a dit que tu vas descendre. Non, il lui a dit de prendre les animaux, les quadrupèdes là, de tuer et de manger. Mm-hmm. Et il a dit que non, rien d'impur n'est jamais rentré dans ma bouche. Mm-hmm. Mais il n'avait même pas de doute que ça venait de Dieu. Mm. Parce que tu disais que parfois là, aujourd'hui là, c'est un peu que parfois là, quelqu'un fait un rêve et vient te dire, après, j'ai fait un rêve et je ne sais pas, est-ce que ça vient de Dieu ou alors ça ne vient pas de Dieu. Mm. Et puis parfois, là, moi-même, parfois, il y a des choses que parfois, je me pose la question, est-ce que ça venait de moi ou est-ce que c'est de Dieu? Donc, quand tu as soulevé le point là... Mais il n'y a pas cité ton nom, il n'y a pas cité ton nom là-dedans, non? Ah non, non, bien sûr que non. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce que tu voulais soulever là-bas? Qu'est-ce que tu voulais dire, ma soeur, dans ces chrétiens qu'on nous responsait là? L'apôtre Pierre, lui, il n'avait pas de doute que ça venait de Dieu. Effectivement. Et puis nous, aujourd'hui, la nuit du temps. Grave encore, même dans l'ancienne alliance, la Bible déclare dans le livre de Genèse au chapitre 12 que l'Éternel a dit à Abraham, quitte la maison de... Donc, la première fois qu'il lui adresse la parole, et souvenez-vous, il s'est éveillé. Je crois que j'ai un problème de connexion là. Vous m'entendez? Oui. Ok. La Bible déclare dans Genèse chapitre 12 que le Seigneur a dit à la première fois qu'il a... à notre père Abraham, il lui a demandé de quitter la maison de son père. Pour quelqu'un qui est idolâtre, pour quelqu'un qui sert autre divinité, et ces autres divinités, on les voit par des monuments, des statuettes qu'on a fait. Et il voyait des manifestations certainement. Sinon, son père Terak ne pouvait pas demeurer à service là pendant plusieurs années. Comme chez nous, dans la tradition bamléké, il y a des choses qu'on dit qui sont vraies. On voit effectivement les esprits se manifestent. Et par conséquent, ce sont des divinités, effectivement. Alors, pour le cadre d'Abraham, Abraham entend une voix. Il lui dit, quitte la maison de ton père et va dans un pays où je te montre. Comment faire pour prouver aux gens que le Dieu Tout-Puissant qui a créé, c'est que vous voyez, là m'a parlé. Et qu'il y va. En fait... Pour ce qui est de la voix de Dieu, en laissant le songe, si Dieu vous parle, vous êtes son enfant, vous êtes familier à sa voix, même si c'est pour la première fois. Donc, je ne sais pas comment expliquer ceci. Vous êtes tout simplement familier à sa voix. Vous savez que c'est lui qui parle. Sinon on ne pourrait pas répondre à ces questions. Comment ces gens sont dans la Bible avec ces appréhensions, au point où même les gens dormaient, ils rêvaient, ils voyaient effectivement que c'était les dieux. Mais aujourd'hui, si nous avons 100 rêves, un de ces rêves-là viendra de Dieu et tous les autres, ce sera notre multitude des occupations avec les anciens démons de notre famille qui nous tirent par de part et d'autre pour nous embrouiller. Je ne sais pas si vous m'entendez parce que je vois que mon écran est fixé là. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, oui. Et ça, j'espère que ça ne bug parce que ça ne te coupe pas, non? Non, c'est bon. C'est clair. Ok. C'est clair. Alors, souvenez-vous de ce que, comme le songe se passe dans notre subconscient et la vision se passe dans notre esprit. Regardez bien cela. Le songe se passe dans notre subconscient et la vision se passe dans notre esprit. Alors on a des problèmes ici de ce que nous faisons quotidiennement. La façon de traiter, il faut arranger, il faut nettoyer radicalement ce que nous faisons entrer en nous. Ce que nous observons, ce que nous faisons entrer dans notre quotidien. Quand le nettoyage est fait, que la parole de Dieu s'y penche, je ne sais pas comment vous pouvez ne pas avoir des visions et des rêves de la part du Seigneur. Je ne sais pas comment. Puisque la Bible déclare quand les hommes dorment, Dieu met le soir ses instructions, il les plonge dans le sommeil, il les met ces visions-là et ces rêves nocturnes-là pour les prévenir et pour les diriger. Donc, en grande partie, c'est parce que notre parole, notre partie intérieure est couverte par un vieil homme. Si le vieux homme est dépouillé, et remarquez bien, comme à l'entrée, étant de lire ici, ceux qui marchent selon la chair ne seraient plaire à Dieu. Marcher selon la chair ne seraient plaire à Dieu. Or, parce que cette chair, c'est toute la satisfaction qui vient ici, ne pourra pas plaire à Dieu. Or, dans le chapitre 7, ça c'était le chapitre 8 des Romains. Dans le chapitre 7, il est dit dans le conflit qui est dans l'homme que je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Donc l'homme intérieur, lui, c'est celui qui a l'intérieurement, qui est fait à l'image de Dieu, lui, il aime la loi de Dieu naturellement. Mais il se trouve enveloppé non seulement par cette chair-ci, mais par des puissances de séduction qui ont englobé et entaché nos âmes par d'elle. Et ça, c'est justement là où la guerre se trouve. Donc la Bible déclare donc que ces choses-là, la convoitise du monde, font la guerre à notre âme. Et donc notre âme se trouve emprisonnée donc par les convoitises de la chair. Et puisqu'on est très proche de la chair, on est quand même plus relaxant avec la chair par rapport aux choses de l'esprit. La preuve, on peut voir un match de football pendant 90 minutes. Et lorsqu'on siffle, on dit que non, c'est comme ça a fait 2 minutes. Mais on ne peut pas passer ces mêmes 90 minutes dans la méditation des Saintes Écritures. C'est le signe que la chair, on a beaucoup plus le désir avec le plaisir avec la chair. Vous pouvez passer des temps devant les Saintes, devant l'écran, pendant une heure. Remarquez bien ce que les femmes font. Elles vont de chaîne après chaîne, 30 minutes par ci, 40 minutes par là. Elles connaissent toutes les listes des Nollywood, des novelas, tout cela. Elles les connaissent. Mais vous leur demandez de découvrir Nahum ou Habakkuk. Il dit Habakkuk, Habakkuk, ça se trouve dans la Bible, il ne connaît pas. Donc vous voyez que c'est le temps qu'elle devrait passer comme ça. Remarquez, je suis en train de vous montrer quelque chose pour vous comprendre. Les choses qu'elle va voir chaque 30 minutes qu'elle va passer devant une série, toutes ces informations-là, c'est stocké en elle. Puisque après 30 ans, elle peut dire j'avais vu Marima. Il y avait Ricardo qui avait dit telle chose à telle ou telle personne. Ça veut dire que l'information vient de l'intérieur. Oui. Tout ce que nous voyons, entendons, visionnons chaque fois se trouve enregistré en nous. C'est très grave. Très grave. Pas étonnant que le psalmiste dit dans le psaume 101, verset 3, qu'il ne laissera point les choses méchantes, les choses mauvaises devant ses yeux. Et Jésus, notre Seigneur, avait dit que l'œil est la lampe du corps. Vous voyez, quand vous voyez, vous filmez, vous enregistrez à l'intérieur, c'est stocké en vous. Notre capacité à stocker les informations, ce n'est pas comme un disque dur descend de 1 téra ou de 2 téra. C'est un téra infini. Donc, tout ce temps que vous voyez, ça entre là-dedans. Parce que la Bible déclare que l'œil ne se lâche de voir. C'est ce que la Bible dit. Quand le feu brûle, il dit qu'il ne s'arrête pas. Donc, de la même façon, quand tu vois, tu ne te rassasies pas. Alors, quand vous voyez ou ne vous rassasiez pas, sachez que tout ce que vous avez vu, ces images, se trouve en vous. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer de cap. Quand vous changez de cas, vous allez voir effectivement. Pour ceux par exemple qui ont été à flirter dans le monde de pornographie, vous allez voir effectivement que très souvent ces gens se sont en grande majorité attaqués par des esprits de couche d'ennemis. Vous voyez cela? Parce que à cet instant-là, le tuyau de leur âme a été ouvert dans le. Il n'y a pas plus saleté que cela dans l'âme, le domaine sexuel, je vous le dis. En tout cas, il veut venir avec les hommes, et on arrive. Et donc, vous voyez effectivement que quand quelqu'un est ouvert comme ça, quelqu'un se met à la pornographie, si ce soit sur Internet, sur le téléphone et autres là-bas, même s'il reste comme ça, il n'y a pas des gens qui ont des mauvaises pensées que les gens qui aiment la pornographie. Parce que ça ouvre toute son âme, tant son âme dans les dimensions spirituelles négatives, où les démons, ils défilent seulement, en tout cas, c'est l'aéroport pour quitter des plans physiques au plan spirituel. Et donc, cette personne-ci, pour qu'elle puisse être délivrée et que son âme soit nettoyée, il faut l'intervention du Saint-Esprit. Il fait n'importe quelle thérapie, mais ça ne marchera pas. Parce que ce domaine-là, il faut vraiment faire attention. Alors, j'ai tenté de dire, pour avoir des rêves, des songes, ces choses-là, on a besoin du nettoyage. Dieu merci pour ces enseignements de chrétiens qu'on fasse à mauvaise pensée. Et maintenant, comment vous allez commencer à aller méditer sans que ça ne soit à l'intérieur? Parce que, souvenez-vous, il est dit que l'époux sera présenté devant le Seigneur sans tache ni ride après l'avoir purifié par la parole. Je ne sais pas si vous pouvez saisir cela. Si l'épouse a besoin d'être purifiée par la parole alors qu'on lui a donné une robe blanche, c'est quand même terrible. Terrible. Tu nous aides. En tout cas, on est sur le chemin. Des questions? Juste pour juste vérifier. Donc, la vision vient. Non. La vision, c'est un esprit. Et les songes, ça provient de notre subconscient. Non, c'est pas que ça provient. C'est la source où c'est déposé. D'accord, ma soeur. Donc, là-bas, c'est déposé. Pour la vision, on n'a pas besoin de dormir. Mais vous voyez, c'est vraiment se dérouler là-dedans. Vous pouvez voir. Voilà. Des questions? Bonsoir, j'ai une question. La soeur Erna. La soeur Erna est loin du micro. La soeur Erna, bonsoir. Oui, bonsoir. Tu ne craches pas encore? Oui, dis-nous, ma soeur. Heureux les pauvres d'esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Oui. Heureux les déplaisés, oui. Car ils hériteront la terre. Oui. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront le territoire. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Merci pour cette prière, ma soeur. Merci beaucoup. Ça me voit trop drôle que. Oui, dis-nous. Encore un passage que je réfléchis beaucoup depuis le début de la semaine. Et il y a heureux les débonnaires quand ils hériteront la terre. Je ne comprends pas bien. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire ici? En tout cas, oui. Qu'est-ce voilà. que le Seigneur en train de vouloir vous voyez, voici encore notre père de manche dans les Saintes Écritures maintenant très grave. Remarquez très attentivement, le Seigneur donne des principes ici qui seront développés plus tard. C'est quand même dommage que je ne vous vois pas, parce que j'ai toujours comme impression que la connexion, vous avez même fait bavarder ici pour rien aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais là maintenant? Bon, regardez. Vous m'entendez quand même, n'est-ce pas? Parce qu'au moins, si vous voyez, vous pouvez me faire des temps en temps que vous n'entendez pas. Regardez, dans ce livre de Matthieu chapitre 5 et Luc chapitre 6, dans notre sein de l'air. Tu te déconnectes et puis tu te reconnectes. Qui ça? Enfin, si tu dis que tu ne parviens pas à nous voir, pour que tu puisses nous voir. C'est pas comme ça, oh. C'est qu'au Cameroun, ça ne va pas avec la connexion. Voilà donc. Laisse-nous tout ça. Alors, dans ce livre de Matthieu chapitre 5, où lorsqu'on parle de sermon sur la montagne, et dans le livre de Luc chapitre 6, qui est réitéré, le Seigneur Jésus donne des axiomes, des théorèmes qui seront développés. Vous êtes surpris parce qu'il dit dans le livre de Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18, lorsqu'il va se présenter à ses disciples, avant de donner les instructions pour s'en aller au ciel, il leur dit enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vais prescrire. Donc, ça veut dire que les enseignements des apôtres, c'est exactement ce que Jésus, notre Seigneur, a dit. Il n'y a pas quoi que ce soit que les apôtres ont enseigné, que les apôtres qui n'ont pas reçu du Seigneur. Mais dans ce thème des heureux de débonner dans le Matthieu chapitre 5, verset 8, l'apôtre Paul l'a enseigné en développant. Si vous lisez le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, principalement, à partir du verset 12, verset 12 jusqu'au verset 13, 12 et 13, oui. Alors, prenons la voix, regardons ce que mon grand frère dit. Le pro. La sœur Elena, ça va de ce côté, ça va, comment va ton époux? Il va bien, frère. Il est là. Salue-le-moi, d'accord? D'accord, frère. Je lis. Oui, puisque tu es André, dis que tu lis alors. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Voilà. Les aliments sont bons pour le ventre. Et la main. Le ventre pour les aliments. Comment les aliments sont quoi? Sont bons pour le ventre. Sorry. Les aliments sont pour le ventre. Et on sait tout, tiens, oui. Je sais que tu es. Et le ventre pour les aliments. Et Dieu pourra l'un comme l'autre. Voilà. Voilà ce qu'il dit. Il dit tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Dans le chapitre 7, il va développer cette même chose en disant que le monde nous appartient en tout. Et au verset 29, si vous lisez le verset 29 du chapitre 7, il dit là-bas que celui qui use du monde, que ceux qui sont mariés soient comme ne sont pas mariés, et que ceux qui usent du monde soient comme n'en usant pas. Et il dit tout est à vous. Soit cette vie, soit le monde. Mais quand la Bible déclare à l'Éternel, écoutez très attentivement maintenant. Je crois que la sœur Hénard va bien me suivre maintenant. Quand la Bible dit heureux les débonnaires, allons d'abord terre à terre. On va comprendre entre deux volets ce que le Seigneur voulait dire et pourquoi il le dit. Pour saisir cela, il faut comprendre donc le conflit qui a lieu entre les deux entités supra-spirituelles, Dieu et Lucifer. Lorsque Satan a récupéré entre les mains d'Adam la domination, la restauration ne peut pas venir sans que toute la création ne soit rachetée. Quand le prix du rachat a été fait, une prolongation a été donnée à Lucifer. Lorsque le Seigneur quitte la terre, dans le livre de Jean au chapitre 14, verset 30, il est dit, je m'en vais, le prince de ce monde vient, le prince de ce monde vient, il n'y a rien de lui en moi. Dans Jean au chapitre 5, verset 19, il est dit, verset 19 il dit, il dit nous savons que nous sommes des dieux et que le monde actuel est sous la puissance du mal. J'espère qu'il ne va pas vite là, non? C'est bon. Ok. Alors, 1 Jean chapitre 5, verset 19, nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Maintenant, comment ça peut être sous la puissance du malin Alors que c'est même 1 Jean au chapitre 3, les versets 8 à 10 nous disent que nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il est venu pour détruire les œuvres du diable. Alors qu'il l'a déjà fait. Dans le livre des Apôtres chapitre 26, il dit à l'apôtre Paul qu'il l'envoie pour qu'il fasse quitter des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Et dans Colossiens chapitre 2, il dit là-bas qu'il a dépouillé les dominations et les autorités et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc il y a quelque chose que le Seigneur a fait. Mais pourquoi il dit encore que Satan est le prince de ce monde-ci? Je ne sais pas si vous comprenez. C'est là où se trouve le problème. Voici pourquoi dans le chapitre 2 de 1 Jean, il est dit n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Parce que le système du gouvernement de ce monde-ci a été mis depuis la Genèse. Dieu est venu par Christ Jésus résoudre le problème du péché sans résoudre le problème du système de gouvernement. Or, le problème du péché a entraîné l'établissement de ce gouvernement. Le gouvernement que nous voyons actuel, le système de gouvernement que nous voyons actuel. Le but, donc, du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, c'est de rétablir l'homme dans le gouvernement de Dieu. Donc, la grâce vient pour... Oh mon Dieu! La grâce vient donc pour faire ramener les gens qui étaient hors la loi à ce qu'ils reviennent dans la loi, sous la loi, sous la gouvernance de Dieu. Voici donc pourquoi, en fait, je ne sais pas quand vous le dites ou vous comprenez, quand vous dites repentez-vous, le royaume de Dieu approche, il n'y a pas de royaume sans gouvernement, il n'y a pas de gouvernement sans loi. Donc quand tu dis repens-toi, le gouvernement de Dieu, quand tu dis le royaume de Dieu approche, ça veut dire que on va rentrer sous le gouvernement de Dieu. Alors, pourquoi tu peux te repentir? Parce que le sang de Jésus-Christ a été versé et donc on a la grâce donc de venir dans l'obéissance du gouvernement. Maintenant, il dit, je m'en vais, le prince de ce monde, ce système de gouvernement, ce système de façon de faire, c'est, il n'y a rien de lui en moi, donc il n'y a rien de ce gouvernement qui se trouve incrusté dans le gouvernement du Seigneur. Et le Seigneur donc dit que son royaume n'est pas de ce monde-ci. Et tous ceux donc qui lui appartiennent n'appartiennent pas donc à ce monde-ci. Ça veut dire que ce gouvernement, le système de fait de ce gouvernement-ci a été déjà rejeté par Dieu depuis la Genèse et ça ne s'accommodera jamais avec le plan de Dieu. Qu'est-ce qui se passe donc? Jésus, dans le livre de Daniel chapitre 2, franchement, c'est vrai, vite, vous me calmez, d'accord? Alors, dans le livre de Daniel au chapitre 2, il est dit là-bas, quand vous regardez la vision de la pierre, de cette stature-là, il est dit là-bas que du temps du quatrième royaume, parce que le problème, c'est le royaume sur la terre. Il y a 5 royaumes qui sont faits dans le système de durée que Dieu a fixé lui-même dans sa propre autorité. Dans ce système donc là, 4 gouvernements, nous sommes au quatrième. On dit du temps du quatrième royaume, le Dieu du ciel suscitera un royaume. Vous voyez cela? C'est ce que Nebuchadnezzar avait vu. Il y a un pied qui est sorti de nulle part, frappé la terre, le pied de la statuette et ça a brisé. Donc ça veut dire que le gouvernement de la terre sera brisée par la venue du Seigneur Jésus. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 11, le verset 15, il est dit, lorsque le septième an sonna de la trompette, et on a entendu du ciel cette voix-ci, maintenant, le royaume du monde a été remis à Dieu et à son Christ, et ils régneront pour des siècles et des siècles. Vous voyez, il dit maintenant, c'est quand le septième ange frappe sur la trompette, que la dernière plaie arrive, que le dernier cri de l'archange arrive, que le gouvernement est remis entre les mains de Christ. Donc, avant cela, tout gouvernement sur la terre est antichrist. Tout gouvernement. Tout. Même si quelqu'un prend la Bible et dit que appliquons la Bible, c'est quand même antichrist. Parler de Bible. Alors maintenant, cela étant bien compris, j'espère bien que je me suis fait bien comprendre, sur ces deux systèmes-là, maintenant, je reviens maintenant avec le bonheur. Parce que le problème se trouve dans ces versets-là, sur cette même terre, parce qu'il dit là-bas que heureux les débonneurs car ils hériteront la terre. Ça veut dire que les débonnaires, ce sont ceux qui ne cherchent pas à être des personnalités sur la terre actuellement parce qu'ils sont sous un gouvernement. Ils comprennent qu'ils sont sous un autre gouvernement. Ils cherchent plutôt le royaume à venir. Parce que ce royaume à venir, quand ça sera renversé, ce sont eux qui seront établis ici. Il a commencé un an. Bon. J'étais allé préparer le couscous pour le bébé. Alors, donc le système de gouvernement, donc, est le problème. C'est pour cela que Dieu, le Seigneur Jésus dit là-bas que heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Quand il parle de hériteront la terre, il ne parle pas de la terre dans laquelle ces débonnaires sont là maintenant. Parce que les débonnaires, ce sont ceux qui ne cherchent pas à être des grandes personnalités. Comme on dit, je suis quelqu'un, les gens qui se bombent la poitrine, que je suis un tel, tu ne me connais pas. C'est ça dont on parle des débonnaires. C'est pour cela que si vous remarquez très attentivement la vie des apôtres, que la vie, c'était des vies sédentaires, c'était des gens qui se retiraient, des gens qui ne veulent pas pas maintenant qu'on a un système politico-chrétien. Vous entendez aux États-Unis, on dit qu'il y a le parti démocrate chrétien. Vous entendez au Québec que ce sont les démocrates chrétiens. Que non, il faut que les chrétiens entrent dans la politique pour influencer. C'est vrai que Dieu y entre de temps en temps. Il n'entre pas de temps en temps pour installer. Parce que quand il voit certains slogans des partis politiques, et même de certaines églises, il dit non, allons changer de monde. Jésus n'a donné aucune mission à aucun chrétien de changer le monde. Parce que lui-même n'a pas changé de son monde et son époque. Donc, vous entendez que les gens disent que nous allons changer de monde. Si on fait telle chose, on pourra changer de monde. Si changer de monde, faites comment? Comme ça, le royaume de Dieu ne vient plus alors. Vous voyez? Parce que le but de ces écritures ici, c'est la restauration du royaume de Dieu. Toutes les prédications de la Bible depuis Jean-Baptiste, c'était le royaume de Dieu est à l'œuvre. Le royaume de Dieu, repentez-vous, le royaume de Dieu est à l'œuvre. Dans le livre de Marc au chapitre 1, à partir du verset 14, il est dit que dès cet instant, Jésus-Christ est parti comme ça à prêcher l'évangile de Dieu. Il disait, repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Quand il envoie ses 12 disciples à partir de Matthieu chapitre 10, il dit allez prêcher. Dites, le royaume de Dieu approche. Vous voyez cela? Le royaume de Dieu approche. Quand Actes des Apôtres, l'apôtre Paul dit que je n'ai cessé de vous enseigner publiquement dans les maisons, enseignant le royaume de Dieu et la repentance envers. Donc, c'est le principe. Toute la Bible se tourne autour de ce royaume-là. Amen. Alors, heureux les débonnaires car ils hériteront la terre. Les débonnaires, ce sont ceux qui n'aiment pas le système-ci, qui ne veulent pas vivre, qui ne veulent pas être quelqu'un ici sur cette terre-ci. Gardez bien à l'esprit. Voilà pourquoi il était obligé de vous expliquer l'établissement de ces deux systèmes et ce qui allait arriver. Il dit, c'est pour cela que dans le livre des Jean, il est dit autrement, ces mêmes versets, que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Parce qu'on ne peut pas aimer le système de ce gouvernement, aimer l'autre gouvernement également. Vous voyez cela? Alors, si vous aimez les choses, les attraits de ce monde, c'est avec tout ce qu'elle propose, alors on ne peut pas être de l'autre côté. Voilà. À la date à la sainteté, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, mon frère. Bonsoir. Oui, quelqu'un voulait parler là. La soeur Anna, tu voulais encore parler. Non, je sais, juste pour bien comprendre. Moi, si je comprends bien, ces débonnaires-là hériteront la terre pendant le millénaire, quand le Seigneur va venir régner. Mais après le millénaire, il va leur détruire la terre. Bon. Il va hériter la terre, point. La promesse, c'est que quand la terre futuriste, ça veut dire que quand le gouvernement de Satan sera détruit, quand ça sera anéanti, ce sont eux qui seront de l'autre côté. Donc, ce sont des attributs de ceux qui vivent pour le royaume, les débonnaires. D'accord, ma soeur? Vous remarquez que pour être débonnaire, justement, au sens biblique du terme, il va falloir que l'œuvre du Saint-Esprit soit œuvre en toi au point où tu meurs à toi-même. Parce que vous ne pouvez pas être débonnaire avec les conditions que nous vivons. Vous ne pouvez pas décider d'être débonnaire. C'est pour ça que ce sont les développements qui sont développés bien dans les Saintes Écritures. Vous voyez? Vous ne pouvez pas décider que non, je ne suis pas débonnaire. Je ne suis pas débonnaire. C'est pas comme ça. Quelque chose à avoir en toi. Comme vous voyez, la Bible déclare, le Seigneur Jésus parle si quelqu'un ne hait pas sa vie et ne prend pas sa propre croix, il ne peut pas être son disciple. Quelqu'un qui est dans la vie comme ça, il a des marchés là partout, il a des maisons partout, les terrains partout, tu dis qu'il laisse ça. Ou en tout cas, vous avez vu le cas des riches là dans les Saintes Écritures. Alors, heureux les débonnaires. Débonnaires, ça veut dire que les gens qui ne veulent pas chercher à être quelqu'un. Je crois qu'avec le mot simple, les langages simples de la chanson de parler, vous pouvez saisir. Dans la vie, je ne cherche pas, dans mon esprit, je ne cherche pas à être une personnalité sur la terre. Donc, mon but, ce n'est pas de montrer aux gens sur la terre que je suis quelqu'un. Je crois que c'est je suis un tel, pour se pavaner. Remarquez, toute personne qui a été travaillée par Dieu pour le mettre dans n'importe quelle position, dans les Saintes Écritures, remarquez, vous allez voir la position de l'humilité. Remarquez Jacob, et remarquez la façon dont il a travaillé avec chez Abimelech, enfin, chez Laban. Plus tard, dans le livre de Genèse, chapitre 30 et chapitre 31, lorsqu'il va quitter Laban, il va dire à ses filles et à dire à la banque, Dieu n'a pas permis qu'il me tue. Il a volé mon salaire pendant 10 fois, m'a échappé mon salaire 10 fois, mais Dieu ne lui a pas permis de me tuer. Comment il peut savoir que c'est Dieu qui n'a pas permis qu'il ne tue pas? Vous voyez? Il reconnaissait Dieu dans chacun de ses manches. Quand il voulait traverser pour aller voir son frère Esaü, il a dit, Seigneur, je n'avais rien quand j'ai traversé ici, mais j'ai traversé ici avec un bâton et tu m'as donné les enfants. Tu m'as donné. Mais physiquement, vous ne pouvez pas voir comment Dieu vient donner quelqu'un. Vous voyez, ces personnes se connaissaient que tout ce qu'ils possédaient, tout ce qu'ils faisaient, quel que soit l'effort qu'ils faisaient, c'était pas la grâce de Dieu, c'était pas leur propre effort, leur propre développement. Mais aujourd'hui, nous, génération perdue, quand on réussit à résoudre une équation mathématique, on dit qu'on est trop fort, je suis trop fort. Quand on a un peu un diplôme de master en ceci ou bien maîtrise en ceci, on dit j'ai trop maîtrisé cela. Je suis un grand docteur de ceci. en faisant comme ça, on est en train de s'en sans s'en rendre compte. Dans Deutéronome chapitre 8, le Seigneur dit quand les gens devaient entrer dans le pays, qu'ils prennent soin de ne pas se dire que ce qu'ils font est haut là-bas, c'est leur force qui parle, leur force qu'ils ont cela. Donc ça veut dire quel que soit ce que nous avons, quel que soit. En tout cas, si tu décides d'aller, que tu vas bûcher jusqu'à ce que tu vas composer ton examen le lendemain, là, tu as le palu, une palu t'arrête, ou bien les conjonctivites t'arrêtent, ça ferme tes yeux, tu vas écrire. N'est-ce pas, t'es vraiment un moustique, un petit moustique, comme quand on appuie comme ça, ça mieux. Il te pique comme ça, là, tu commences à grignoter. À la date de la sainteté, posez les questions, dis donc. Que Dieu vous bénisse. J'ai une question. Oui. Et quoi qu'il y a là, chez la soeur Vanessa qui est ouvert là-bas, c'est pour ça qu'il y a cette. Oui, la soeur Flore pose la question alors. Dans Jacques chapitre 4. Oui, en fait, peut-être pour ne pas lire tout. Mm. Ce qui m'a frappé, c'est au verset 5, là on dit, croyez-vous que l'écriture parle en vain? C'est avec toi. Que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Habiter en nous. Oui. Moi, j'étais en lisant un peu plus haut, en lisant un peu plus haut, on se rend compte que même ceux qui avaient reçu l'esprit et qui avaient encore des querelles, des adultères et tout ça, est-ce que j'ai bien compris ce passage-là? Oui. Est-ce possible donc d'avoir l'esprit de Dieu et encore avoir ce penchant vers les querelles, les adultères et... Je crois que cette question-là, en lisant le livre de 1 Corinthiens chapitre 3 jusqu'au chapitre 5, ça devait régler le problème, n'est-ce pas? Merci mon frère. Puis-je dire quelque chose maintenant? Le Saint-Esprit ne vient pas t'aveugler. Le Saint-Esprit ne vient pas changer le sexe de quelqu'un. Le Saint-Esprit ne vient pas changer tes membres, ni les sensations, tuer les sensations de ton corps. Si tu es un homme et que tu es rempli du Saint-Esprit parce que tu saoules même, une femme te touche, tu vas savoir de quoi les personnes, je crois que les hommes, vous me comprenez ce qu'ils sont de dire. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit en tant que femme, un homme te, et puis vous allez savoir de quoi il est question. C'est pour cela que c'est dans ce 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 17, il est dit fuyez l'impudicité. Il s'adresse à ceux qui sont remplis de l'Esprit, qui ont l'Esprit de Dieu en eux justement. Parce que c'est par l'esprit qu'on doit faire mourir les actions de la chair. Alors, ça veut dire que sans cela, sans l'esprit, vous ne pouvez pas faire mourir les actions de la chair. Vous ne pouvez pas. Vous allez faire la cesse. Quand vous allez finir, en tout cas, vous allez revenir, vous allez confirmer. Vous allez dire que non, ça est revenu maintenant 400 fois. C'est pas cela. C'est la chair qui se rattrape tous les temps qu'il a été privé. Donc, vous voyez, ça ne sert à rien d'essayer d'éviter le péché avec la chair. La seule façon de faire, c'est la soumission à l'esprit. Oui, on dit si par l'esprit, vous faites mourir les actions de la chair, pas la chair. La chair ne peut pas être tuée par l'esprit. C'est pas comme ça. Donc on dit si par l'esprit, vous faites mourir les actions de la chair. Parce que et la voix tracée des Saintes Écritures, ça consiste en l'obéissance au Saint-Esprit. Quand la Bible déclare par exemple que fuyez l'impudicité, donc l'immoralité sexuelle, vous avez chez quelqu'un, vous dites non, je suis trop fort. Le Seigneur, mets la Bible. Quand je dois mettre la Bible, c'est toi qui vas fermer ça, tu dois pousser ça de côté. Alors donc, la solution, il a dit, comme la solution a déjà été dite là-bas, le Saint-Esprit a dit que ici, là, il faut tracer. Si quelqu'un te dit que oui, tu es pour mouiller, dis oui, je suis pour mouiller comme Joseph en Égypte. Pour mouiller. Ne dis pas que je suis fort. Mais pour le diable, il a dit que tu dois résister. Ça se pose, si vous regardez très bien, avec la puissance sur nous, l'impurité a plus de puissance sur nous que Satan même. Canada, la sainteté, posez des questions. Bonsoir, frère Junior. Ma question, enfin, c'est à la suite de ce que tu viens d'expliquer. Je veux comprendre. Ça veut dire que si quelqu'un n'est pas baptisé du Saint-Esprit, il ne peut pas crucifier la chair. Comment tu vas... quand tu dis qu'il faut prier. Comment tu vas le faire, ma soeur? Comment? Par quel moyen? Ouvrons le livre des Romains, chapitre 7. L'obéissance, simplement. C'est pas l'obéissance aux Écritures qui sont écrites là-bas. Parce que les Juifs ont obéi à sa personne, n'était entré. C'est pas comme ça. C'est la vie de l'esprit, ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu. Voilà. Romains chapitre 7. Et quoi, notez du verset 1 au verset 21 là-bas, où vous avez le temps de lire là. Il faut que Dieu mette sa marque comme propriété privée. Bonsoir la sœur Sylvanie. C'est quoi la sœur Sylvanie, c'est ça? Et bienvenue. Oui, c'est ça, frère Junior. Voilà. Allons-y dans le livre des. Merci. Allons-y dans le livre des Romains là. Romains au chapitre 7. Là. Comme ton micro est ouvert, c'est toi qui vas lire alors. Ok. Tu y es ma soeur, tu y es ma soeur. Oui, une minute. Et je commence à partir du verset 1. Oui, comme ça, on va juxtaposer véritablement les versets. Allons-y. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Stop, d'abord la maman, on va parler. Donc, physiquement parlant, d'après le gouvernement de Dieu, il n'y a pas de possibilité normalement que l'homme et la femme se séparent sur la terre en tant que mari et femme, n'est-ce pas? Oui. C'est pour ça que dans les mauvais gouvernements tels que le gouvernement humain, on a commencé à créer les mots avec EX pour mettre devant le mariage. C'est-à-dire que tu vois, tu dis que voici mon qui. Mon ex. Il n'y a pas ça dans la Bible. Il n'y a pas ça dans la Bible. Mon ex. Ex quoi? Ce sont les œufs. Donc, la Bible déclare ici que ignorez-vous que d'après la loi exerce son autorité sur la femme aussi longtemps que son mari est vivant. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité non qu'il se sépare. Parce que si elle se sépare, vous se rencontrez en route. C'est qui là-bas? C'est sa femme pour Dieu. Ceci, le Saint-Esprit est en train d'aller comme ça au niveau de la loi du péché, la vie du péché avec la vie de l'esprit. Il faut que vous compreniez bien cela. Parce que c'est une implication. Parce que tu as posé la question tout à l'heure. Donc, ça veut dire que quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne peut pas crucifier la chair. Parce que c'est justement la chair là qui est le problème. Parce que ça, la loi se trouve à l'intérieur. Continue la lecture, ma soeur. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Donc, quelle est la possibilité pour ne pas commettre l'adultère pour une femme? Ma soeur, toi qui lis. Il faut que son mari soit mort. Donc, tant qu'il ne meurt pas, il fait n'importe comment. Il en fait quoi? Ils sont mariés, ils sont liés. Ça veut dire que même si ça se sépare, il dit que non, le juge de la République fédérale du Canada a dit qu'il se sépare. Il se sépare parce qu'il a le droit. Il a le droit, on l'emmène maintenant au Québec, l'autre habite par là-bas. Qu'est-ce qu'il en est pour Dieu, là, comment? Elle est adultère. Voilà. Continue la lecture maintenant. De même, mes frères. Arrêtons là-bas. Aussi. Donc, vous voyez, ici il dit de même. Vous voyez que tout dans les Saintes Écritures tourne autour du royaume, autour de la loi de Dieu. Donc, même le mariage est un type même de l'obéissance à ce royaume-là, un royaume qui est structuré par des lois. Donc, il prend un cas spécifique de ces lois, des lois du royaume pour expliquer la loi générale qui exerce son pouvoir sur l'homme. Le temps pour moi de dire bonsoir à la sœur Suzanne Solange Cana qui vient de nous rejoindre. Bonsoir et bienvenue. Continue la lecture, ma sœur. Shalom. Shalom. Shalom. Merci. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. Que vous apparteniez à un autre, à celui qui a ressuscité des morts. Bon, ça veut dire qu'on avait un ancien mari, n'est-ce pas? D'après ce qu'on a de lire là-bas, on était mariés. En tout cas, pour ceux, on était mariés. La seule possibilité, c'est que ton mari soit mort. Si ton mari meurt, tu peux te marier de nouveau, non? Oui. Avec cet exemple donc maintenant, qui normalement était le mari de l'autre, parce que il dit demain vous avez été mis à la mort quant à la chair par le corps de Christ, et maintenant de temps que vous appartenez à un autre maintenant. À quoi est-ce que l'homme était marié alors? À la loi. À la loi, quelle loi? À la loi de péché, à la loi qui... Dieu nous aide vraiment sur la terre, s'il vous dit. Il y a des vérités dans la Bible, vous entendez ça, vous avez les cheveux blancs poussent de votre tête avant de noircir encore. Il vous dit. C'est ça. Continue la lecture, ma soeur, continue, on arrive. Ok. à celui qui est ressuscité des morts, donc, afin que nous portions des fruits. Donc c'est vrai, on dit, ça, afin maintenant, c'est ça, c'est la vie de la suite après que quelqu'un soit mort. Donc il faut que quelque chose soit, que quelque chose est, il faut une mort pour qu'il y ait une séparation avec l'ancien. C'est ce qu'on vient de dire, c'est avec ça qu'on a de voir avec le mariage là. Il faut que la femme est liée, la loi dit que toi et elle vous êtes mariés. Eh bien, comment faire pour se séparer? Il faut qu'il meure. Donc quelqu'un doit mourir. Mais la vraie chose, c'est que les deux personnes dont l'un des membres meurt étaient mariés, étaient liés. Si un mari meurt quelque part, l'homme de tribu meurt quelque part, c'est pas toutes les femmes qui vont commencer à dire qu'il peut me marier désormais, parce que tous les hommes ne sont pas son mari, pas vrai? Ça doit être son mari à elle. Il faut que son mari soit constaté mort par les débuts. Et donc maintenant, c'est vrai que si tu n'avais pas l'alliance avec Christ, il ne te connaissait pas d'eux avant. Sa mort ne te concerne pas pour commencer. N'est-ce pas, mes soeurs? Tu peux aller au deuil de quelqu'un qui dit, ouais, son mari est mort, tu pleures, c'est bon, tu peux pleurer. Tu peux aussi dire que, ouais, ils ont tué Christ, ils ont fait comme ça. Si ce n'est pas ton mari, oublie. Continue à le dire, ma soeur. Afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres. Voilà, ça commence à venir. De sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus. Stoppons là-bas, ma soeur. De sorte que nous servons. Maintenant, comment on est mort à cette loi-là? Pour être dégagé à elle, comment? Il a dit par le corps de Christ. Comment? C'est que quand Christ était à la croix, il est mort seul, non? Oui. Comment? Continue la lecture, ma soeur. Continue la lecture jusqu'au verset 21. De sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi me dit « tu ne convoiteras point ». Et le péché saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. Au moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Sans la loi, qu'est-ce qui est mort, ma soeur? Le péché. Continue. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie. Et moi, je mourus. Je crois qu'il me faut m'asseoir à dire ça même 4 fois. Ainsi, le commandement à la vie se trouva pour moi conduit à la mort. Car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement. Et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme tes péchés, en me donnant la mort par ce qui est bon, et que, par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Stoppons dans là-bas, ma soeur, arrêtons d'avoir un commande, d'accord? Lorsqu'il y a une panne de lumière à la maison et que vous voulez tester s'il y a un circuit qui a de la lumière, qu'est-ce que vous faites? J'appelle mon mari. Ah, c'est mon mari que vous appelez? Enfin, je crois qu'on arrête tout le compteur. Je suppose qu'on arrête le compteur complètement avant de vérifier. Et comment vous vérifiez? Vous avez un courant qui est censé produire la lumière et ça ne produit plus. Comment vous faites pour savoir si le courant y est ou bien il n'y a pas le courant? On essaye d'allumer encore, on teste. Vous testez comment? J'insiste à un appareil. Je veux comprendre en fait. Il y a un circuit par exemple qui est censé transporter de l'énergie. Oui. Subitement, il y a un dysfonctionnement, ça ne fonctionne plus. Et donc maintenant, oui. Il faut savoir si oui ou non il y a de la lumière là-bas. Comment vous faites? Aucune idée. Je laisse les hommes parler. Oui. Je suis pas un test. Est-ce qu'il veut parler? Peut-être qu'on utilise le testeur ou le multimètre, quelque chose comme ça. Ou on teste les appareils sur un autre circuit. Ou bien tu mets ton doigt pour savoir si ça passe quoi, si le courant passe. Bon, le doigt, il n'est pas encore essayé. Donc. Non, quand le courant ne passe pas, tu vois, ça ne passe pas, tu mets un peu le doigt. Tu peux savoir si ça passe ou pas. Si ça ne fait rien, si ça ne passe pas, n'est-ce pas ma soeur? Oui. Et si ça fait quelque chose, c'est que ça passe. Ça passe. Mm-hmm. Ok, maintenant. En tout cas, je voudrais arriver à montrer ce que l'apôtre André dit ici. Grosso modo, il veut résumer en disant que la loi n'était pas donnée aux hommes pour qu'ils puissent obéir. Et c'est ce qu'il veut dire. La loi était le testeur pour faire montrer. Si c'était un testeur, vous savez comment le testeur est, n'est-ce pas? Quand vous mettez le testeur sur le courant, si ça s'allume, ça. Comment? Salut les gars. Oh chérie. Je devrais aller aussi. Alors donc, là, comme le testeur, vous prenez votre testeur. Vous savez, vous avez un testeur. Il y a un câble, un courant qui ne va pas. Vous mettez. Ce testeur-là doit vous signaler si oui ou non ça passe. Maintenant, Paul veut nous expliquer là-bas. Que la loi était comme le testeur et notre corps était comme le courant. Il voulait nous indiquer qu'il y a quelque chose en nous qui ne va pas. Voilà pourquoi la loi a été donnée. Sans la loi, l'être humain ne peut pas avoir le problème, il ne peut pas savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est avec la loi qu'il a commencé à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec lui. Et donc, Dieu pourvoit donc à la solution que la loi indiquait. Ils ont besoin d'un sauveur. Donc, si vous lisez bien de façon claire les Saintes Écritures, c'est ce que la loi revient. La loi montre, est là pour montrer à l'homme que tu es dans un état de péché et que tu ne peux pas t'en débarrasser. C'est ce qu'il dit là-bas. Et donc, il dit, je fais ce que je ne veux pas. Il dit, si je ne fais pas ce que je veux, je reconnais par là que la loi est bonne. Donc, il veut comprendre que quelque chose ne va pas chez moi. C'est chez moi qui est le problème, c'est pas la loi qui est le problème. Et or, qu'est-ce que c'est la loi qui m'a indiqué cela. Quand la loi m'a indiqué cela, maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Puisque tu veux faire ce qui est bien, tu te rends compte que tu en fais toujours le mal. Tu ne fais pas, ce n'est plus toi, ça ne dépend pas de toi. Alors il vient de t'indiquer que you have the problem, you are having problems. Comment faire? C'est là où maintenant tu comprends effectivement que l'être humain arrive à ce point-ci, il a besoin d'un sauveur. Il a besoin d'un sauveur. Ça ne sert à rien de prendre le kettle pour prendre l'eau, ensuite laver les parties intimes, laver la bouche, laver les oreilles ou là-bas. Ça se trouve à l'intérieur. Ça ne sert absolument à rien. Il faut que ça soit dégagé. Alors donc, ma soeur, donc, si on arrive donc ici. Moi, je te pose la question que tu m'as posée dès le départ. Tu as dit, donc ça veut dire que quelqu'un ne peut pas obéir à Dieu, mais quelqu'un ne peut pas fuir le péché ou bien quoi que ce soit sans en obéissant à Dieu. Comment? Puisque la personne, si veut obéir à Dieu, n'importe comment, elle ne peut même pas. Comment? Tu vois un peu, n'est-ce pas? Tu ne peux pas commencer à obéir à Dieu alors que l'obéir à Dieu veut dire ne plus manquer le but. C'est-à-dire ne plus vivre dans le péché. Parce que le péché, c'est manquer le but. Quel est le but? Tu es d'abord désobéissant, d'abord tu es d'abord pécheur pour commencer. Voilà le premier but. Comment faire? Il faut d'abord sortir de cet état-là. Il faut que quelqu'un te justifie. Et tu ne peux pas te justifier seul. Donc même si tu veux faire n'importe quoi par toi-même, tu as envie de vouloir faire ta propre justice. Il faut une aide extérieure. Et par conséquent, là, on a besoin d'un sauveur. Donc ça commence avec le sauveur. Ça évolue avec le sauveur pour en finir avec lui. Si tu ne commences pas avec le sauveur, tout ce que tu fais, c'est pour toi et tes parents. J'ai une question. Oui. Toujours dans Romains chapitre 7. Là, on n'a pas encore fini. Hein? Ok. Mm-hmm. Donc j'espère que jusqu'ici, ma sœur est en train de comprendre. Donc, quelqu'un qui est charnel, c'est pour cela que dans le monde, quand vous attendez, effectivement, à partir de ce niveau, vous pouvez commencer à saisir ce que veut dire je suis le chemin. La vérité et la vie. Il ne dit pas je suis un chemin. Je suis une vérité. Je suis la vie. C'est la solution pourvue pour dégager l'homme du péché. Et donc, si quelqu'un refuse ce chemin, il a envie de dire qu'il peut se sauver lui-même. Il n'a pas besoin d'un sauveur. Or, il n'y a pas autre moyen pourvu par Dieu pour le faire. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Quand Abraham a amené Isaac pour, dans le livre de Genèse chapitre 22 pour aller dans l'essai pour montrer qui est le sacrifice qui devait venir, Abraham lui a dit, Dieu se pourvoira lui-même du sacrifice du péché. Donc c'est Dieu qui devrait se pourvoir. C'est à lui de pourvoir au sacrifice qui manquait. Il fallait l'adoration. Comment l'adorer? On ne peut pas l'adorer sans que quelqu'un ait du sacrifice. Le fils Isaac lui a donné, qui était le type de Jésus, lui a dit, comment mon père, voici dans le bois, voici le feu, où est l'eau l'agneau pour le sacrifice? Il dit, Dieu se pourvoira lui-même. Donc Dieu lui-même viendra pour résoudre le problème. Alors si Dieu n'a pas exercé cela, c'est pour ça que Paul, l'apôtre dit, celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous la rendra parfaite pour le jour de Christ. Donc vous voyez qu'il faut qu'il commence. S'il n'a pas commencé, tout ce que tu fais, l'obéissance là, c'est ta part. Et il faut vraiment bien, vraiment commencer avec lui. Et où est-ce que ça commence en réalité? Ha! Je suis né dans une famille chrétienne, ma mère était catholique, était fervent. C'est-à-dire qu'elle restait pour rester 150 maris comme ça. Donc tu étais chrétien comme ça, oui. Je suis né dans une famille chrétienne, nous sommes catholiques tous chez nous. On était protestants. On partait chaque 24 décembre, on consacrait. Ah, tu continues comme ça. Des questions, ma soeur. Continue la lecture, ma soeur. Continue. Oui. Donc, ce que j'aimerais peut-être ajouter de l'eau dans le but de ma soeur. Mmh. Parce que je pense que là, le sujet que tu es en train d'aborder, c'est un sujet qui pose beaucoup de problèmes au milieu des saints, on va dire au milieu de l'église de manière générale. Mmh. Nous savons que la première étape du Seigneur, c'est de nous faire naître dans son royaume. Oui. Donc, à la nouvelle naissance, ou la circoncision du cœur. C'est-à-dire, c'est la partie, c'est le moment où le Seigneur nous fait prendre conscience de qui nous sommes en lui, et nous permettre de passer des ténèbres à la lumière. Et après cette étape-ci, en fonction de son plan et de son dessein pour chacune de nos vies, les uns peuvent être baptisés de l'esprit avant ou bien un peu plus tard. Dans cet intervalle de la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit, le temps de chez le baptême du Saint-Esprit, effectivement, qui va nous permettre d'obéir au Seigneur de manière efficace, je vais dire comme ça. Comment est-ce que donc, et peut-être là où peut être la question de la sœur Sylvane, comment est-ce que donc, celui qui est dans ce processus-là, entre le temps entre la période de la nouvelle naissance et le baptême de son Saint-Esprit, comment est-ce que celui qui est là arrive à obéir à Dieu? Étant donné que lorsque nous lisons les Écritures, nous avons des recommandations, même pas des recommandations, nous avons des commandements du Seigneur que nous devons suivre au quotidien. Je prends un exemple terre à terre, on dit employés, soyez soumis à vos employeurs, servez-les comme si ils soient là ou bien qu'ils ne soient pas là, servez-les comme si vous serviez le Seigneur. Et donc, quelqu'un qui est dans cette période-là, comment est-ce qu'il, quelle est sa part, ou bien quelle est la différence entre lui, qui est né de nouveau, mais qui n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit, et pour obéir à ce passage, à ces différents commandements-là, et celui, par exemple, qui est dans la religion. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Amen. Bon. La Bible nous présente trois volets. Un, il y a des gens qui ne seront jamais baptisés du Saint-Esprit, même s'ils le veulent. N'est-ce pas, mon frère? En tout cas, je crois que ce n'est pas une formule. Tous les chrétiens ne seront pas baptisés. Tous les chrétiens ne seront pas baptisés du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc, il y en a trois. Il y a ceux qui seront baptisés du Saint-Esprit. Il y a ceux qui n'auront pas l'Esprit de Dieu. Il y a ceux qui sont en route. Je ne parle pas, il parle au milieu chrétien, donc je laisse les cas où ils ne seront jamais. Je dis qu'il y a des gens qui sont en route. C'est-à-dire qu'ils sont en route, pour être dans la sélection, peut-être ils vont tomber dans le camp de ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, ou bien dans le camp de ceux qui ne seront pas le Saint-Esprit. Okay. Bon, je prends un exemple simple. Vous allez voir, tournons vers la religion pour bien saisir ceci. Vous voyez une jeune femme ou bien un homme, vous voyez son comportement dans l'église catholique. Vous le voyez dire, elle aime le Seigneur jusqu'à elle, ou n'importe quoi, elle est sérieuse. Vous dites, elle est chrétienne, dit, oui, je suis chrétien catholique. Non, mais touchez pas mon église. Quand vous touchez mon église, je suis avec vous. Elle est née catholique. Depuis qu'elle était petite, elle a toujours allé, elle était fervente. Tu ne diras jamais qu'elle est celle du Saint-Esprit de Dieu. Parce que le Saint-Esprit de Dieu ne conduira pas les gens dans l'adoration qui est un affront à la souveraineté de Dieu. N'est-ce pas? Un de ces jours, elle entend quelque chose qui va le choquer, que son prêtre a couché avec un enfant. Il dit quoi? Donc ça se passe au milieu de nous, j'ai menti cela. Ça la choque, elle sort, il reste d'abord à la maison. Il reste à la maison. Elle commence à regarder les Saintes Écritures maintenant, après avoir fait peut-être 25 ans ou 30 ans dans cette religion-là. Que dis-je? Dans ces religions diaboliques. Je crois que c'est le mot, ce serait petit. Dans ces sectes sataniques à haut risque. Et donc là, maintenant, il se trouve là-bas en train de lire les Saintes Écritures, il se dit ah! Donc c'était comme ça depuis. Quand vous allez voir cette personne, c'est à vous dire que tu es chrétien, dit oui, elle est chrétienne depuis. Mais en réalité, c'est parce que la religion a confondu, a fait confondre les gens, ce qu'on appelle chrétien, parce que c'est pas cette manière qu'on devient chrétien. C'est ça le problème. Elle est donc dans la catégorie de ceux qui sont en route. Vous voyez? Elle est donc dans la catégorie de ceux qui sont en route. Donc, celles qui se disent chrétiens, que Jésus ne connaît même pas encore comme chrétien. Ils sont dans la religion, en train de cheminer pour croire véritablement au Seigneur Jésus. Vous voyez? Maintenant, prenons un exemple simple pour que vous voyez. Regardez le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10. Je vais vous expliquer ce qui s'y trouve. Au chapitre 10, à partir du verset 1, la Bible déclare qu'il y avait un homme centenier de la maison de la couronne italienne appelé Corné. On dit que c'était un homme qui craignait Dieu. Bon, maintenant, je pose la question. C'était un Italien, donc un païen. Comment parvenait-il à craindre Dieu alors qu'il n'était pas dans le peuple juif? Il faisait des homos, il faisait plus que. La Bible déclare que les pharisiens, les sadducéens et tous les juifs qui étaient là-bas dans le livre des Jean au chapitre 7, le verset 19, Jésus leur a dit, Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi, mais nul de vous n'observe la loi. Donc à ceux qui avaient la loi, ceux qui conduisaient même le peuple, la Bible déclare qu'ils n'observaient pas la loi. Jésus a été sans appel là-bas. Et là, il a dit dans sa prédication qu'ils sont assis dans la chaise de Moïse, c'est Moïse qui va les juger. Maintenant, voici quelqu'un qui n'a pas la loi, qui n'appartient même pas à ce peuple, mais qui craint Dieu. Vous voyez? Et quand Paul, Pierre l'apôtre, va venir chez lui, il dit qu'il reconnaît qu'en toute nation, si quelqu'un aime Dieu et qu'il le craint, vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? Si quelqu'un craint Dieu. Dans la crainte de Dieu, on n'a pas besoin du baptême pour craindre Dieu. C'est ce que ça nous montre là-bas. Enfin, on a plein cela dans les Saintes Écritures. Parce que le simple fait d'être conscient, quand tu parlais tout à l'heure là de la conversion par rapport à la. Lorsqu'on se repent, regardez bien, si vous lisez le livre des Jean, de Luc chapitre 15, par rapport à la. À partir du verset 10, le fils prodigue, vous remarquez que cette personnalité-ci est éloignée de son père d'une distance dont on ne nous a pas donné. Il y a le père de chez qui le garçon s'est totalement, profondément retourné. Non seulement il s'est retourné, mais il est allé en train de vivre des vies qui sont contraires au style de vie prohibé, prodigué par le parent. Parce que ce n'est pas le style de vie du parent que le parent lui a donné comme conseil ici. Pendant qu'il s'est en train de faire comme ça, le père aime toujours son fils. Mais la Bible déclare que le fils rentra en lui-même. Quand il rentre en lui-même, il n'y a pas conversion. N'est-ce pas, frère? Il a juste pris conscience. N'est-ce pas? Alors, beaucoup de personnes sont dans la prise de conscience que non, il faut que je mette ma vie en ordre. Il faut que je mette ma vie en ordre. C'est exactement l'étape où le garçon se trouve. Il dit, je vais aller vraiment vers mes parents. Mais il y a quand même des choses là-bas. Il voit, c'est la prise de conscience ici. Et il ne peut pas avoir vraie repentance sans qu'il n'y ait pas de prise de conscience véritablement. Parce que la prise de conscience te permet de voir effectivement où tu es allé, jusqu'à quelle profondeur tu es allé. Vous voyez? Et maintenant, l'engagement de retourner maintenant pour ne plus y retourner. Parce que les gens qui se repentent sans prise de conscience, ils retournent sans s'en rendre compte. Et sans s'inquiéter même de la chose. Alors, la repentance continue à être la restauration seulement de la bouche. Parce qu'une repentance authentique, tu ne rentreras plus là-dedans. Du moins, tu pourras y glisser, mais tu ne pourras plus rentrer de façon consciente là-dedans. Donc, cet homme-ci, ces garçons, la Bible déclare que rentrant en lui-même, il s'est assis. Quand il est rentré en lui-même, regardez bien comment le Saint-Esprit dit cela, il rentra en lui-même. Donc il était là, il y avait des questionnements, avait des réponses en lui. Il est revenu dans, comme la Bible dit, dans son bon sens. Quand il est revenu dans son bon sens, il a été dégagé, comme le Saint-Esprit dit dans 2 Corinthiens, dans 2 Timothée chapitre 2, verset 24 à 26. Il a été dégagé de cette piège que le diable s'est emparé de lui pour le soumettre à sa volonté. Mais vous voyez donc que ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit depuis l'extérieur. Parce qu'en l'aide du Saint-Esprit, il ne pourra pas revenir à la repentance. Parce que la repentance est octroyée par le Seigneur. La repentance, donc, c'est le moyen de Dieu d'attirer les hommes à amener pour qu'ils puissent sortir de sa prison dans laquelle Satan l'a enfermé à partir de l'intérieur. L'homme intérieur est fermé. Pour qu'ils puissent réagir à l'intérieur. C'est donc pour cela que vous entendez dans la Bible, on utilise notre langage dans Actes chapitre 16. Le Seigneur lui ouvrit le cœur. Quand il ouvre le cœur, c'était fermé. Il y a quoi dans la porte là? Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc il y a un voile qui est jeté sur le cœur. Alors quand c'est jeté sur le cœur, même si tu dis n'importe quoi, ça ne pas. C'est pour ça que vous dites n'importe quoi. Oui, tout le monde voit, on voit le film de Jésus en buvant l'alcool. Jésus, on avait fouetté le gars là. Et les gens prennent cela pour rire. Que je pense que s'il vient la prochaine fois, le beauté seulement comme ça là. Il faut comme ça, il rit. Il ne sait pas à quoi ça renferme. À quoi ça se réfère. Alors, frère, donc, il y a trois catégories. Il y a ceux qui ont le Saint-Esprit, comme tu as dit. Bon, il y a des autres qui auront le Saint-Esprit, mais le point essentiel, c'est que tous les chrétiens n'auront pas le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est clair. Ce n'est pas une prophétie, c'est ce que la Bible enseigne. Parce que si tous auront le baptême du Saint-Esprit, tous seront enlevés de la terre. Or, la Bible nous enseigne que certains resteront. Or, ils ne peuvent pas rester et le Saint-Esprit sortir les laisser. Non. Donc, tous ne partiront pas. Quel est donc le problème? Le problème maintenant, c'est que lorsqu'on est dégagé, souvenez-vous de ceci dans 2 Pierre chapitre 2, verset 19 à 22, les gens peuvent sortir du péché par la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Me suivez? Gardez-vous à l'esprit, suivez très attentivement. On peut sortir et on sort. La Bible déclare dans 1 Pierre chapitre 1, verset 20 à 22 à 25 que vous avez obéi à la foi, vous avez nettoyé, vous en purifié, vous en obéissant à la vérité. Ça c'est un. De l'autre côté, la Bible déclare justement dans l'une des deux pierres que si après s'être s'être sorti du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils retournent bien. Donc ils sont sauvés par le péché, ils sont délivrés du péché par la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, parce que la rencontre du Seigneur Jésus-Christ est justifiée et la justification fait perdre le poids de tous tes péchés. On dit qu'ici, ils engagent des nouveaux, ils sont vaincus par celui-ci, par ceci. La dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la vérité que de l'avoir connu. Mais maintenant, vous voyez que le Saint-Esprit vient donc. C'est un peu comme le ballon de l'hélium. Je ne sais pas si vous connaissez la balle de l'hélium. Quand les gens qui ont le voile, le porte-voile, ceux qui montent, ils sont à l'intérieur. Il y a un gros ballon qui monte pour aller en l'air là. Je ne sais pas si vous connaissez cela. C'est chez vous que les gens jouent comme ça, non? Il y a un petit truc avec un gros ballon là. Les gens montent à l'intérieur et puis. Comment vous appelez cela? Mongofaya. La quoi, ma soeur? Mongofier. Bon, de toute façon, vous voyez effectivement que ça monte plutôt, ça ne descend pas, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que ce bombardement avec le noyau de l'hélium, ça fait lutter contre la pesanteur P égale à MG de la loi de l'attraction. Donc ça veut dire que pour faire lutter Mongo Faya, honnêtement lui. Alors, si cette chose-là, si le ballon de l'hélium, si ça se pèse, ou si l'hélium se baisse, ça chute automatiquement. Ça veut dire que pour opposer au poids P égale à MG, le ballon de l'hélium est la solution. De la même façon, le Saint-Esprit, pour l'opposer, ou mieux encore le péché, pour l'opposer, il faut le Saint-Esprit. Donc, délivré du péché, Christ a délivré tous les siens du péché. Et même pas seulement les siens, il a payé pour tout le péché, pour le péché du monde. Ça veut dire que la création a été justifiée. N'est-ce pas, mes frères? Le vrai problème maintenant, c'est que c'est comme on ouvrirait la prison pour quelqu'un de sortir. Comme on donne la grâce présidentielle aux gens souvent, et puis le lendemain, vous entendez que les mêmes bandits qu'on a libérés se trouvent encore à l'intérieur, ils sont encore allés voler là. Maintenant, c'est pour ça que la grâce donne un enseignement. Il y a un enseignement profond dans la grâce pour amener les gens à vivre désormais sous cette grâce-là. Donc, le Saint-Esprit dont vient, comme le ballon d'hélium, comme le Saint-Esprit à l'intérieur, le garçon P égale à MG lui s'éloigne de lui, pendant que l'on est dans une direction contraire. Pendant que P égale à MG tire les choses vers le bas, celui-là fait pour monter plus tôt. Le Saint-Esprit vient donc pour faire monter l'homme intérieur vers le haut, pendant que la chair tire P égale à MG vers le bas. Voilà la dualité. Et donc, pour opposer à ces écarts, la Bible déclare dans Galates chapitre 5, verset 16, que j'ai dit donc marcher selon l'esprit, ne vous pas selon la quoi, selon la chair. Parce qu'ils ont des, ils sont contraires l'un à l'autre. Donc ils vont vraiment dans les sens opposés. Peu égard, je ne montera pas. Alors, donc, ceux donc qui n'ont pas l'esprit de Dieu, ils peuvent craindre Dieu, avoir certains aspects. Résister au péché, ne sera pas de pierre de manche pour eux. Oui, ils auront des pierres d'achoppement. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu les couvre et que le dépouillement leur soit enseigné comme le Saint-Esprit dit dans Éphésiens chapitre 4, le verset 23 à 27. De telle enseigne qu'ils soient déshabillés de l'homme nouveau. Il faut habiller maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Souvenez-vous, je parle de l'habillement par la puissance du Saint-Esprit. Je n'ai pas dit le Saint-Esprit qui est tabernacle, parce que le vêtement de délivrance, le vêtement de salut doit être donné à l'homme intérieur. N'est-ce pas, mes frères? Alors, donc, en petit résumé, si on peut prendre comme footnote, on voit qu'il y a des gens qui sont en route, qui disent qu'ils peuvent confesser Jésus. C'est pas, là n'est pas le problème. Dit que je connais tout ceci, mais ils sont en route pour être chrétiens. Voilà donc ce qu'il en est. Ils sont en route pour être chrétien au sens spirituel, au sens du ciel, du terme. Mais pour le langage terrestre, il peut être chrétien. On en disconvient pas, il peut être chrétien. Puisque le Seigneur dit en ces jours-là que plusieurs me disent, Seigneur, ce n'avons-nous pas fait, ce n'avons-nous pas fait, il dit, je ne vous ai pas connu. Donc cela a été sur la terre, faisait Seigneur, Joseph, à la fin, il dit que je ne te connais pas. Donc, ils ont passé le temps dans les activités en appelant le Jésus notre Seigneur. Alors qu'est-ce qu'il faut faire donc maintenant? Astaire Stéphanie, rebonsoir. Je crois que l'un des volets qu'il faut travailler, c'est il y a des si vous le voulez bien, il est quelle heure? Il est presque 2h dans 7 minutes ici. Le moment viendra, je ne sais pas quel jour encore vous réunissez, vous dites la semaine, vous me dites seulement, je vais vous rejoindre le soir. On traite sur les penchants de nos cœurs. Les penchants. Ou mieux encore, les mauvais penchants de nos cœurs. On y prend du temps pour travailler. Souvenez-vous, il est dit dans les Saintes Écritures qu'on doit bien labourer la jachère. Je ne sais pas si vous avez lu cela dans les Saintes Écritures. On doit labourer les jachères. Il faut qu'on passe les mottes là-dessus. On frappe, on secoue. Là où c'est dur, on secoue. Jusqu'à ce que la terre soit amoindrie, maintenant prête à recevoir l'eau. Et puis par la suite, si vous le voulez bien, on pourrait parler du sujet. L'eau est disponible. L'eau est disponible. Si la repentance était faite de façon... Bon, de toute façon, après la repentance, vient le baptême du Saint-Esprit. Je crois que ce serait bien de dire ça comme ça, de cette façon. Canada de la sainteté, bonsoir. La sœur Stéphanie, la sœur Sylvanie, son téléphone, son truc est toujours ouvert. Donc, elle peut continuer. Je crois que j'ai répondu pour les trois volets dont il est question là-bas. Alors, vous allez voir les gens, quelqu'un va sortir d'ici à là. Un tel dit qu'il est au Saint-Esprit, un tel dit qu'il n'est pas né de nouveau, un tel dit qu'il est né de nouveau. Le canard ne peut pas réclamer la place de la poule. La poule ne peut pas réclamer la place de la place du chat. Ils sont les chacun est dans son coin. Mais le Seigneur a l'œuvre. Quel que soit, si on est son enfant, quels que soient les états que nous passions de part et d'autre, c'est lui qui a l'œuvre. Et lorsqu'il vous saisit, en tout cas, vous ne pouvez plus contrôler quoi que ce soit. Frère Julien. Oui. Est-ce qu'on peut être un enfant du Seigneur sans avoir le Saint-Esprit? Oui. Ok. Ce n'est pas parce que tu as le Saint-Esprit que tu es un enfant du Seigneur. Tu es un enfant du Seigneur depuis. Le Saint-Esprit, c'est pour un but bien précis. D'accord, ma soeur? Amen. La Bible déclare dans Galates chapitre 4, le verset 7, il dit, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs par lequel nous crions Abba. Pas vrai? Quand le monsieur, là, le papa dont j'ai parlé dans l'exemple, dans le livre, Luc chapitre 15 tout à l'heure, quand l'enfant vient, il dit, oh, donnez-lui ses 20 vêtements, lui met l'anneau là-bas, il fait la fête. C'est pas à cause de cette fête-là que l'enfant là est son enfant. Pas vrai? Il était son enfant. Amen. Des questions? C'est vrai que je reconnais qu'il y a certaines choses qui peuvent choquer, mais en cette génération, il est temps qu'on dise la vérité aux gens. Et il n'y a pas plus grand chose, plus grand mensonge que de faire croire à quelqu'un que cette personne s'est sauvée. que cette personne soit sur la bonne voie, alors que la personne s'est dirigée dans le sens contraire, dans une autre direction. Mais ce qui est remarqué, c'est que les gens n'aiment pas la vérité. C'est pour ça que très souvent, ils portent mes verres pour parler. Je suis obligé de parler. Parce qu'il faut parler, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Bon, maintenant, quand vous prenez quelqu'un, vous dites, la personne dit qu'elle était catholique. Après, elle était protestante. Puis, maintenant, ok, j'ai écouté maintenant la vérité ici. Là, ça, c'est la vérité, je maintiens. À ce moment-là, dans quelle étape tu es né de nouveau? Je ne sais pas si vous comprenez la question. Donc, c'est pour ça qu'il parlait de la compréhension, acceptation de la compréhension des vérités nouvelles. Tu peux avoir accepté la vérité nouvelle sans être pour autant né de nouveau. Parce que ce seront les convenants et ce seront peut-être des frustrations vécues précédemment. Mais il faut la nouvelle naissance. Il le faut. Quelqu'un voulait parler là? Oui, j'ai une question toujours concernant la nouvelle naissance. Quand Nicodème va par exemple voir le Seigneur et que le Seigneur lui dit que pour entrer dans le royaume des cieux, il faut naître de nouveau. Il faut naître. Non. Il n'a pas dit qu'il faut entrer dans le royaume parce que les gens y entreront sans le baptême du Saint-Esprit. Les gens y entreront sans la nouvelle naissance. D'accord, ma soeur? N'est-ce pas, mes soeurs? Merci. Il a dit que si tu ne verras pas le royaume, ça, le mot voir là-bas, le grec se comprend. D'accord? Voilà. Donc, il faut naître de nouveau. Le concept, il a dit il faut naître d'eau et d'esprit. Il a dit d'eau et d'esprit. Mm-hmm. La nouvelle naissance, c'est quoi la naissance d'eau? C'est la naissance d'esprit. Non, il n'y a pas la naissance d'eau seule, il n'y a pas la naissance d'eau seule, la naissance de l'esprit. Ça va les deux en même temps, c'est que tu peux naître. Ok, donc on peut être enfant de Dieu, né l'esprit de Dieu, avoir le Saint-Esprit de Dieu. Et du coup, il faut que la connexion se stabilise pour qu'il entende. Pas. Ma soeur reparle encore parce que ma connexion, je s'est affiché sur ma connexion de qualité médiocre. Que là ça s'est interrompu carrément. Vous m'entendez? Oui, très bien. Ok, donc la soeur, je crois que c'est la soeur Gladys qui parlait là, n'est-ce pas? Oui. Voilà, recommençons encore. Première chose, il n'est pas dit que on en est de nouveau pour entrer dans le royaume des cieux. D'accord? C'est pas ça dont tu les questions. Peut-être une erreur de langage. Voilà. Voir le royaume des cieux. Il a dit qu'il est de voilà. Donc, naître d'eau et d'esprit. Voilà. Maintenant, c'est pas deux naissances. Oui. Donc, ce n'est pas naissance d'eau seule, naissance de l'esprit seul. D'accord, ma soeur? Je crois qu'on en a fait un enseignement là. Si tu as le temps, il faut jeter coup d'œil sur Radio Bonne Nouvelle. Partie 1 et partie 2. Mais mon frère, je me fais poser. Comment, ma soeur? Ma question. Oui. Et tu vois ma question. Vas-y. Parce que ma question c'est être enfant de Dieu. Comme vous dites, on était déjà enfant de Dieu. Mais c'est quoi la nouvelle naissance? Si c'est pas la naissance de l'esprit, la naissance du Saint-Esprit. On peut être né de nouveau sans avoir de Saint-Esprit. C'est pas possible. On ne peut pas naître de nouveau sans avoir besoin, sans avoir le baptême du Saint-Esprit. Parce que la nouvelle naissance, c'est ça justement. D'accord, ma soeur? Parce que dans ce Nicodème dont tu as parlé, il dit que si quelqu'un est né de l'Esprit de Dieu, il est question de naître de l'Esprit de Dieu. Okay. Donc engendrer de l'Esprit de Dieu, d'accord? Ma soeur m'entend. Je crois que la connexion la dérange vraiment. Allô? Oui, j'entends bien. On t'entend, frère. On t'entend. Ok. Donc, la sœur, Gladys, il faut écouter la nouvelle naissance, première partie, deuxième partie sur Radio Bonne Nouvelle, là, comme ça. Quand ça va, c'est que tu reviens encore la prochaine séance qu'on va se rencontrer, d'accord? Vous dites vraiment que vous m'entendez? Voilà. Des questions? Vraiment la connexion là? Donc à 2h01 exactement, la connexion a commencé à déranger. Oui, la sœur qui est en train de lire Romains chapitre 8 là. Voilà, la sœur Cyril a dit qu'elle allait écouter cet enseignement là, mais qu'est-ce que tu n'as pas compris alors, ma sœur? Ah, pas génial. Ça, c'est maman. Je veux souhaiter qu'on passe tout à l'heure. Quand vous parlez, j'ai l'impression qu'il y avait une petite confusion qui naissait dans ma tête par rapport à ce volet là, parce que moi j'ai toujours compris que maître de nouveau, c'est maître du Saint-Esprit. Mais c'est ça que ça veut dire, c'est ça que ça veut dire. Ok. Donc ça veut dire, si vous dites que vous avez le baptême du Saint-Esprit, ça veut dire que vous avez Christ en vous. Donc quand vous dites à quelqu'un que j'ai Christ en moi, j'ai Christ en moi, vous dites que vous avez le baptême du Saint-Esprit. Bon. Oui, la sœur Sylvanie lit alors. Okay. Bon, tu avais déjà fermé les pays. Non. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi lui dit, tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Vous avez entendu, non? Voilà, continuons. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduit à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais le péché, afin qu'il se manifestât comme péché, en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Voilà les grandes vérités bibliques vraiment profondes. C'est là que ça se trouve, l'état de l'homme. Oui, ma chère. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Stoppons là-bas, ma sœur. Donc, vous voyez donc, voilà donc, le problème de cette dualité là, l'homme spirituel, l'homme charnel voulant obéir à une loi qui est spirituelle. Voilà pourquoi il fallait l'homme spirituel pour venir nous mettre dans l'état d'esprit, dans un état esprit, afin que nous puissions vivre la loi qui est esprit. N'est-ce pas, ma soeur? Oui. Donc, comment donc un homme charnel doit obéir à la loi de Dieu? Quelle est même cette loi-là dont il veut obéir? Est-ce que tu ne tueras point? Maintenant, quand tu as quelqu'un insensé, tu mérites d'être jugé par quoi? Par Dieu. Et si quelqu'un se met en colère contre son frère, que dit Jésus par rapport à cela? Celui qui est son frère aussi criminel. Voilà. Donc, quand on parle de cette loi-là qui est spirituelle, on parle de quoi au juste? Et on dit que la loi qui est censée conduire à la vie. Et dans Galates chapitre 3, le verset 13 au verset 19, la Bible déclare que cette loi-là, que la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Donc on était gardé sous le coup de la loi pour montrer que voilà, il y a le sauveur qui arrive. Celui qui accorde la nouvelle naissance. Comme Paul l'apôtre le dit, que ce n'est pas quelque chose d'être quoi que ce soit, d'être. Il faut être une nouvelle créature. Comprenant toutes ces choses-ci, nous comprenons que en fait, chaque personne doit passer le temps devant le Seigneur. Ce n'est que la seule chose. Restez devant lui jusqu'à ce que chaque cas soit réglé. C'est pas réglé, n'inquiétez pas là-bas. Je n'ai pas dit que vous vous enfermez dans une maison comme de fous. C'est que les policiers vont venir vous chercher. Vous fixez des objectifs, vous disciplinez. Parce que vous avez des heures où vous voyez la télévision. Vous voyez les nouvelles, vous voyez telle chose, vous connaissez les heures, parce que même toi tu es n'importe où, tu sais qu'à telle heure il y a telle chose. Alors, toutes ces choses-là dont maintenant sont choses éphémères. Il faut que du côté de la prière, dans le livre des psaumes, enfin, dans le livre des Proverbes chapitre 8, il dit celui heureux, celui-là qui veille à mes portes pour en garder les poteaux. C'est ce que Dieu aime ça. Celui qui veille à mes portes. Donc, comme il a dit dans le livre de Luc, il dit qu'il y avait une femme qui venait chaque fois, pom, pom, pom, si il y a quelqu'un qui vient, oh, faudra moi ajuster dans ma partie à verse. Il dit de la même façon là, comment le Seigneur ne rendra-t-il pas justice à ceux donc à ces justes qui crient à lui jour et nuit, dans l'insistance. Je crois qu'il faut qu'on rentre dans la prière véritablement, parce que de façon superficielle, là, on ne pourra pas absolument. Plus vous priez, même si vous priez un mois, vous n'avez pas de réponse, souvenez-vous que vos prières sont entendues. Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple de Corneille qui était un homme qui, la Bible dit qu'il était pieux, il craignait Dieu, faisait beaucoup de noms. Mais souvenez-vous, le jour où l'ange est venu, il a dit, Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées vers Dieu, il s'en est souvenu. Or, il allait un rendez-vous quotidien, un rendez-vous de la prière. Dieu savait qu'il était là-bas. Dieu savait qu'il s'y trouvait, qu'il se rencontrait. Donc, ils avaient un endroit bien reculé et bien retiré qui pourrait se rencontrer. Un de ces jours, c'était un jour qui était le jour de son souvenir dans le ciel, où son carnet était ouvert dans le ciel, où le ciel devait devenir dans sa maison. Et ça a changé le cours de son histoire, le cours de toute sa famille et ses amis. Alors, donc, ayons l'habitude de prière. Pas les prières superficielles où on dit je découvre ma Seigneur, c'est au nom de Jésus. Amen. Non, vous ne pouvez pas dire que vous êtes en train de prier. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes en train de prier. Il faut se mettre à genoux devant le Seigneur. Restez-y. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire sans toi? Si tu ne me révèles ce que je suis censé faire. Vous ne pouvez pas bouger. Restez-y. Alors, on va faire bombarder les sujets de prière à Dieu une fois par ci, une fois par là, une fois par là, une fois par là. Vous avez 100 sujets de prière. L'espace de 2 ans, il n'y a même pas 2 qui ont répondu. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il faut qu'on change. Il faut qu'on reste devant le Seigneur. Chacun de nous reste devant le Seigneur. Parce que si chacun de nous a le résultat devant le Seigneur, on se regroupera comme ça. Je vous le dis. Même vos PC vont bouger par le Saint-Esprit. Je vous le dis. Dans la version anglaise du livre de Jacques, il dit « Be doers of the word ». Donc, soyez les faiseurs de la parole. Les faiseurs. Il faut comprendre. Oui, ça c'est grave là-dedans maintenant. Il faut comprendre. Si on est en prière et que nous sommes unis dans la prière, dans l'esprit cette fois-ci, pas en priant, en pensant à l'assiette qu'on va manger tout à l'heure, en priant, en disant que je vais faire bientôt couper le jeûne. Non, pas cela. La prière. Si on peut prier. Et donc là, si on prie vraiment. Ou vous arrivez au niveau où vous priez, vous ne pouvez plus prier, au point où votre homme intérêt prend le relais. Ou même si vous priez, vous agonisez là-bas, vous entrez dans cet état second, vous êtes dans l'atmosphère de la prière. Vous plongez dans une autre dimension, vous y nagez. Comment vous n'aurez pas de réponse? Comment? Il faut comprendre. Oui. La soeur Hélène voulait parler. Oh, si on pouvait prier, vraiment. Prions, non, mon frère, prions. La soeur, tu voulais dire quoi? Je crois que la soeur elle voulait parler là. Si on peut prier. La soeur Karine sort. Oui, la soeur Karine. Alors, comment, si on n'a pas... C'est vrai que tu as dit que même sans l'Esprit de Dieu, on peut craindre le Seigneur. C'est pas moi qui dis, c'est l'Écriture qui montre. C'est l'Écriture qui le dit, oui. Mm-hmm. Mais qu'il est difficile d'obéir. Mm-hmm. Non, c'est pas d'obéir. Oh, tu peux encore obéir, c'est de faire la parole. De faire la parole. Remarque bien, il vient de citer Jacques. Il dit... Mettez-vous à l'œuvre. Ne vous bornez pas à l'écouter. La Bible déclare dans le livre d'Éphésiens, enfin, dans le livre d'Hébreux chapitre 4, que cette même bonne nouvelle nous a été prêchée aussi bien qu'en eux. Mais ils ne trouvent pas de la foi chez eux, pas vrai? Amen. Les gens écoutaient les mêmes prédications qu'ils sont de prêcher là maintenant. Bon, maintenant, on dit que ça ne trouve pas de la foi chez eux. Mais ici, on nous demande d'être les faiseurs de la parole. Maintenant, regardons bien. Prenons un exemple. Il est écrit dans les Saintes Écritures, dans Marc chapitre 16, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru à mon nom, je serai des démons. Maintenant, voici un témoignage devant toi. Il faut faire donc ce que la Bible déclare de faire. Vous voyez là où le problème se trouve, n'est-ce pas? Mm-hmm. Il faut faire donc ce que la parole de Dieu chasse alors. C'est pas apprendre la Bible comme ça pour plonger devant lui que non, au nom de Jésus que l'autre tout prêche. Non. Alors maintenant, si on est intégré dans cette Bible-là, tu te places devant le démon, je te commande de sortir au nom de Jésus. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Donc il faut y avoir une connexion entre la personne, cette personne et la parole. Comment faire? There must be an intimacy with the Holy Spirit. There must. It must. On ne peut pas faire autrement. Il faut la prière. C'est pas possible d'aller parler aux hommes de la part de Dieu sans parler à Dieu de la part des hommes. C'est pas possible. Il faut rester devant Dieu d'abord. Devant Dieu d'abord. Devant Dieu d'abord. Et quand vous êtes devant Dieu d'abord, parce que devant lui c'est tous les secrets. C'est devant lui que c'est tous les secrets. Il te dit qui tu es, ce qu'il veut pour toi, ce qu'il veut pour l'autre. Mais maintenant, quand on ne fait pas cela, attends. On dit Seigneur, sauve ma mère, sauve mon père. Ouais, mon petit frère la souffre. Ouais, ma famille doit être chrétienne. Toi-même, ça ne te laisse pas. Et après, maintenant, ce sont ces mêmes personnes que tu sauves qui sont de tes persécutés. Je te dis non, Seigneur, tu les mêmes. Ils parlent même, ils ne comprennent pas. Ce n'est pas le problème. La solution, il faut rentrer en prière. Il faut qu'on prie. Je vous le dis. Oui, ma soeur Karine, vas-y. Moi, j'ai un souci parce que là, quand tu dis il faut prier, quelle est donc cette chose qui fait que quelqu'un peut être constant dans la prière et puis un jour comme ça passe, il n'a plus ce désir de se mettre. Il y a quelque chose qui a créé cela. Le Saint-Esprit ne viendra pas enlever le désir de prier au téléviseur de prière. C'est une chose que Dieu ne peut pas permettre parce que c'est lui qui a lancé la sonnette d'alarme dans les Saintes Écritures de venir. Quelque chose a enlevé cela. Le Saint-Esprit ne peut pas enlever le désir de prier parce que si ça dépendait de lui, tu passes le temps à sa présence. Il dit heureux ceux qui veillent à mes portes pour en garder les poteaux. C'est ce qu'il dit. Il dit venez et plaidons. Venez et plaidons, dit le Seigneur. Il dit cherchez-moi. Je suis. Comment ma soeur? Ah, je demandais le verset frais. Tu as dit Proverbe 8, mais quel verset? Le verset 30 à 33. Alors, dans l'Ouvre de Jérémie, chapitre 23, chapitre 29, verset 11, il dit quoi? Il dit que vous me chercherez et vous partirez. Vous m'invoquerez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, il me laisserait trouver par ceux qui me cherchent, pas vrai? Mon cœur dit de ta part, dans celle des sommes là-bas, mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Non, non, non. Si le cœur dit autre chose, autre que cela, quelque chose a flouté. Quelque chose a flouté en arrière-plan le cœur. Et ce sont ces choses-là qu'il faut identifier et traiter au plus haut point. Je crois que il faut qu'on parle des mauvais penchants du cœur. Il faut qu'on en parle. On parle. Traiter les mauvais penchants du cœur. La prochaine réunion, c'est quand? Les 2h15 là. Mais en fait, un jour, c'est un autre jour. C'est ça même. Un jour, on sera là. Mardi. Bon, quoi? Lundi alors à midi, heure du Canada. Vous êtes prêts? Non, mon frère. Non. Mais c'est non, la... pas là. Non, mais c'est toi qui as dit. Non, tu as dit tout à l'heure que ton jour, mon jour est ton jour, non? J'ai dit donc midi heure du Canada, mais c'est toi qui as dit que tout à l'heure là que on se tue, tout le monde est là. Maintenant, c'est plus mon heure. Donc c'est pour ça qu'il demande. Dites-moi quand vous réunissez, vous me dites, je viens parmi vous. Mon frère, ton jour, c'est ton jour parce que généralement, quand on dit qu'on se réunit, tout le monde n'est pas là. Bon. Donc, à la séance, à la séance où tout le monde est là, non, ça ne dérange personne. On a le mercredi soir et le samedi soir où tout le monde est là généralement. Ok, donc disons mercredi, le plaisir au Seigneur, d'accord, mes soeurs, à supposer que la connexion nous soit favorable et puis. Le climat ici également nous soit favorable, que Dieu nous aide seulement. Il faut qu'on traite ces choses-ci. Mais au-delà de cela, au-delà des écritures qu'on entend, il faut faire à soi les écritures dans nos vies, soit par son application et son imprégnation. Après cela, il faut. Ça se passe à genoux. Mais, mes frères, il y a une chose qu'il faut aussi, comme la soeur Suzanne dit dans ensemble, on ne peut pas avancer avec le Seigneur si on n'est pas délivré. Ça va toujours venir déstabiliser notre vie. C'est ok. Maman, une autre date alors. Comment ma soeur? Quelqu'un parlait tout à l'heure. Oui, mon frère, tu as écouté ma question? Oui, c'est pas une question. C'est un constat. Oui, non, c'est un constat, c'est un constat, mon bien de mes frères, c'est on ne peut pas avancer avec le Seigneur si on n'est pas délivré. Ça va toujours bénir toujours dans un sens. Ce qui est là, c'est que même si quelqu'un n'est pas délivré, ça n'empêche pas de prier. Parce que les démons n'empêchent pas que tu pries. Parce que tu manges quand même, tu dors, tu vas au travail. Le même si le démon prie. Mais ça, mes frères, ça c'est une autre chose que pas. Ça, c'est pour le ciel. Manger là, c'est pour la terre. Donc l'esprit te laisse manger, mais pour le Seigneur, il t'empêche de partir. C'est ça mon père. Parce que là, il sait que dans un sens, c'est quelque chose qui est primordial pour toi. Aucun esprit démoniaque n'empêchera aucun enfant du Seigneur d'entrer dans le ciel. Aucun. Même s'il habite dans ton corps, même s'ils sont 122. Donc ne vous inquiétez pas de cela. Ce que je me dis, c'est qu'il faut prier. Plus, amen, nous sommes dans la présence du Seigneur. Amen. Plus, souvenez-vous de ce qu'il dit dans ce livre des psaumes. Il dit, Seigneur, éclaire mes ténèbres. Comment quelqu'un a ses ténèbres en lui? Il demande que Dieu l'éclaire. Si, qu'est-ce qui peut être dans la vie de quelqu'un comme obscurité si ce n'est les démons? Éclaire mes ténèbres. Donc, nous ne nous occupons pas de cela. D'accord? La communion avec le Seigneur. Plus on est proche de lui, plus sa sainteté nous couvre. Et par conséquent, les ténèbres se dissipent. La Bible déclare que le territoire des Abraham, Naphtali, tout ce peuple-là qui était en bord de mer, voit une grande lumière. Et ceux qui étaient assis à côté de l'ombre de la mort, dans la vallée de l'ombre de la mort, une lumière s'élève. Alléluia. Amen. Amen. Donc, il faut comprendre. Il faut comprendre. Souvenez-vous de ceci. J'aimerais bien que ce soit bien clair. Quand je dis qu'il faut comprendre, il n'est pas question de prier des groupes. Parce que la prière des groupes va dans tous les sens. Si on est 6, 10, pendant que ça n'a de crier, la soeur Vanessa sera en train de dire oh bébé, bébé, bébé, bébé. Elle va prier par la bouche comme ça, mais en regardant l'enfant, parce qu'il ne faut pas que l'enfant fasse. Entre-temps, la soeur, de la robe va se dire que peut-être, si mon mari vient là maintenant, je me trouve dans cet état, je suis mort. Entre-temps, la soeur Vanessa sera en train de dire, ainsi de suite. Vous ne pouvez pas prier comme ça, vous ne pouvez pas prier. Quand je parle de il faut qu'on prie, je suis en train de parler de l'intimité. Il faut que ce soit accentué. Il faut passer du temps dans sa présence. Commencez 15 minutes. Vous restez là, vous priez. En tout cas, lorsque vous allez commencer, Satan va charger avec de mauvaises pensées. Restez-y. Avancez. Si vous le faites le matin, le soir, avancez 15 minutes de plus. Vous avancez. Vous allez vous rendre compte un de ces jours que vous avez passé 3 heures de temps dans la prière sans vous en rendre compte à genoux devant sa présence. Ce que vous faites et que vous ne le savez pas, ce que vous nettoyez, chargez et vous remplissez l'autre homme intérieur là qui soit prêt pour le combat. Si vous ne le faites pas, on va vous gifler dans la nuit, poursuivre comme le porc. Vous allez courir, crier, la vente ne pas sortir. Parce que l'homme intérieur n'est pas aguerri et préparé pour la prière. Si vous le faites, vous priez, pendant que vous allez dormir, la Bible déclare que votre cœur veillera. Pendant que vous allez dormir, quand la chair se repose comme normalement, il se repose selon la loi de Dieu, l'autre côté va continuer toujours à prier. Donc, entraînons-nous à la prière. Passez du temps devant le Seigneur. Passez du temps devant lui. Vous dites, il y a des gens qui disent, qu'est-ce que tu peux faire pendant 3 jours, pendant 3 heures devant le Seigneur? Je me demande bien, c'est que tu peux faire devant la télévision pendant 3 heures. Moi-même, je me demande, si tu ne peux pas dire au Seigneur, et que celui qui a l'univers, qui a tout infini. Bon, si tu ne connais pas, même tu n'as rien à lui dire, demande-lui qu'il y a, nous sommes seuls sur la terre. Ça ne va pas, tu lui poses la question qu'il y a combien de planètes sur la terre, il y a combien d'électrons. Comment se pose la question, comment il a posé? Il y aura des choses à lui demander. Non, mais c'est pas croyable. Donc rentrons dans la prière. Prions véritablement. Prions. Amen. Chaque Amen. Fois, listez d'abord les choses qui sont des distractions. Voici donc comment vous allez faire. Listez d'abord les choses qui sont des distractions. Faites ça de façon proportionnelle et sans détour. Je prends un exemple simple. Supposons que très souvent, vous écoutez, je ne sais pas, Novelas. Vous faites 30 minutes. Notez bien Novelas, 30 minutes. Vous écoutez Radio Canada. C'est un exemple. Vous écoutez Radio Canada pour écouter les jours. Non. C'est pas vous qui tournez ça pour ramener ici. Vous avez le bouquin, vous n'avez pas le bouquin. Okay. Bon, que ce soit Novelas, enlevez Novelas, vous mettez n'importe quel nom là-bas. Bon, maintenant, vous dites, j'écoute Radio Canada, il faut que je suive tout le jour les journaux. Vous prenez 25 minutes, vous suivez le journal. Peut-être c'est le foot, le hockey. Vous pouvez, en tout cas, notez chaque fois que vous avez passé le temps pour suivre ceci. Quand vous avez fait le listing, ne faites pas la prière sans faire ces choses-ci. Quand vous avez fini de faire tout le listing de ces choses que vous faites au quotidien dont il est question du royaume de ce monde-ci en faveur, je ne parle pas des choses, écoutez bien, je ne parle pas des choses qui sont strictement nécessaires pour votre famille, votre mari, votre femme, votre suivi, parce que là, Jésus, la Bible déclare que tu mangeras la sueur de ton front, il ne parle pas de ton travail, c'est pas ça dont il parle. Il y a des choses subsidiaires, les cadeaux que Satan te donne là, on appelle ça distraction. Voilà. Alors, toutes ces choses-là, liste-les. Après, tu fais le total de ta distraction journalière. quand tu as fait le total de ta distraction de journalière, le coefficient que tu te donnes là, c'est-à-dire le temps que tu passes nommément pour la distraction, c'est ça que tu vas balancer dans la prière. Donc désormais, ces moments de distraction seront convertis dans le temps de prière, de bataille devant le Seigneur. Frère, vous allez nous revenir étant rempli, rempli. Et puis maintenant, vous continuez comme ça jour après jour. Il y a des jours où peut-être vous êtes plus free, vous n'êtes pas dans le travail et vous voyez que la distraction se multiplie au centuple. Prenez cela en coefficient. Faites bien ces jugements-là, puis venez véritablement devant le Seigneur avec cela. Vous dites, maintenant, désormais, les 4 heures que je me distrais chaque jour-là, ça va me passer dans la présence du Seigneur. Vous prenez 2 heures à lire les Écritures, après vous déposez la Bible, vous allez devant le Seigneur à genoux. Vous l'adorez, vous le célébrez, vous priez. Ah, il va commencer à vous mettre à cœur dans les choses qu'il veut que vous fassiez. Il mettra ses destins, illuminera Amen. Votre pensée. Que Dieu vous bénisse. Amen, mon frère, amen, amen. Canada. Et si maintenant on a le problème pour lire la Bible? Pardon, ma soeur. Et si la difficulté se trouve au niveau de lire la Bible? Tu vas devant le Seigneur. D'accord? Parce que quand on sera au Seigneur, il n'y aura pas de Bible à lire. Va devant lui. Il n'a pas demandé qu'il vienne devant moi pour qu'on lise la Bible ensemble. Il a dit venez prier. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen, mon frère. Amen. Canada de la sainteté, mon bonne nuit. Je crois que j'en ai parlé là-dedans, n'est-ce pas? Mais savez-vous le Canada que j'ai parlé, non? Ou bien? Non, c'est pas vrai, vous là. Il y a quelqu'un qui voulait poser la question là-bas. Oui, la sœur Suzanne, parle-moi. Oui. En ce qui concerne les prières d'autorité. Oui. Est-ce qu'on peut le faire c'est efficace par l'esprit, je veux dire, quand c'est par l'esprit, la prière par l'esprit, et on prend autorité. La prière d'autorité, on ne peut pas faire la prière de l'autorité par l'esprit. La prière d'autorité, il faut que l'autorité d'autorité soit donnée. D'accord, ma soeur? On prend l'autorisation dans le secret. La prière d'autorité ne consiste pas à gronder les démons ni à crier fort. C'est pas ça notre question. On peut crier fort sans qu'il y ait aucune autorité dans le cri. Voilà. Autre chose, ma soeur. Attends, je veux bien comprendre. Donc, je prends l'autorisation. J'ai obtenu l'autorisation. Est-ce que la prière là peut se faire? Ah, ok. Tu as dit qu'il faut que je parle, il faut que je ouvre la bouche, c'est ça? Quand tu as l'autorisation. La manière dont tu parles importe peu. Tu peux regarder et si ça agit. Okay. N'est-ce pas ma soeur? Tu regardes juste et ça agit parce que tu as l'autorisation. Quand le policier porte son camouflet ou avec les galons, quand il voit le bandit, son autorité est sur lui. Pas vrai? Il n'a pas besoin de courir que je suis policier. C'est s'il est civil que le bandit qui commence à dire que je suis policier, je suis en service, je suis le commissaire tel. Mais quand il a ses 4 étoiles là-bas, il ne se présente plus. Vous le regardez, vous savez que voici le commissaire. Parce qu'il est investi l'autorité, d'accord? D'accord. L'autorité, plus on est gonflé dans la prière et dans ces manifestations, plus c'est quand on est plus dans la prière avec l'intimité avec le Seigneur. Plus on est dans l'intimité avec le Seigneur, plus les secrets. Parce qu'en fait, l'autorité se trouve derrière le secret des prières que nous allons rencontrer, des choses que nous allons rencontrer. C'est derrière ça se trouve l'autorité. Oh, maintenant, vous dites, Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Ça, c'est grosso modo le libellé. Mais de façon spécifique, pourquoi ceux à qui il a donné l'autorisation ne permettent pas de chasser tel démon? Il dit, c'est déjà s'il ne sort que par des prières et des jeûnes. Vous avez entendu cela? Amen. Vous me suivez? Regardez l'apôtre, regardez Pierre l'apôtre de chez Tabitha, quand Dorcas est décédé. Quand on l'a amené, il est allé chasser tout le monde, il est resté seul avec le cadavre. La Bible dit qu'il s'est mis à genoux pour prier. Puis il s'est levé, il a dit, Tabitha, lève-toi. On arrive. On arrive sur la terre, on arrive. Je peux partir maintenant. Je sais pas si ça va. Mon frère, quand la Bible. Oui, la soeur Suzanne qui parle. Quand la Bible parle de. Oui, quand la Bible parle de concubine, parce que j'ai réalisé qu'il y a le thème femme, il y a le thème concubine dans la Bible. Oui. Et quand tu lis une cantique des cantiques, quand on parle de l'épouse qui va se présenter devant le Seigneur, on dit qu'elle est suivie des concubines. Oui. C'est quoi dans la concubine sinon le Seigneur? Concubine c'est sa femme. Il y a autre problème. Mais c'est que pourquoi il dit femme? Pourquoi il va faire la différence femme? Il dit encore concubine. Par exemple, Salomon va dire que Salomon avait 700 femmes, 300 concubines. Mais tout c'était ses femmes. Pourquoi il fait la différence? Tout c'était les femmes. Mais ce que vous appelez concubine dans votre français, c'est pas les femmes. D'accord? Ok. On arrive, il va arriver sur ça. On arrive, d'accord, ma soeur. D'accord, mon frère. On le dit, ces choses-là. La dernière question. C'est l'autre aussi, c'est la prière. Si vous voyez, c'est quelque chose là. I'm having a urge that to pray. Oui. Dernière question. La dernière question. Oui, c'était par rapport à l'enfant prodige. Lorsqu'il revient à son père le revêt de l'anneau. Oui. Il le revêt aussi, il dit, mettez-lui les souliers, les vêtements. Oui. Bon, que représentent ces trois choses-là? Donc, tu veux qu'on lui porte la bien, même pas les chaussées, ma soeur. Mais c'est ça, pourquoi on parle de chaussures? Qu'est-ce que ça veut dire, la chaussure? Et l'anneau, commençons par l'anneau. C'est le sel d'évangile. Commençons par l'anneau, donc. Il a envoyé son fils aller prêcher l'évangile. Non. Le bœuf gras qu'on a tué là, c'est qu'il y a des bœufs. Et la mère. Bonne question. Que le Seigneur nous bénisse seulement. On va y revenir, d'accord? Allez toujours chercher comme ça, que les 7 corbeilles de pain là veut dire quoi, les 12 corbeilles qui restaient là, c'était quoi comme ça là. Allez prier. Rentrez dans la prière. J'ai une question, frère. Enfin, un homme pose la question là. Oui. Il faut quand même bien me saisir avant de. Il faut que les gens me saisissent bien un peu. Je prends un exemple. Quand on regarde une image, une vidéo, une image avec ça, l'image reste. Comment faire en sorte que la parole que nous lisons là, qu'elle se transforme en image en nous, qu'elle puisse rester? Ça c'est le Saint-Esprit dans la méditation, d'accord? Ça c'est le Saint-Esprit dans la méditation. Quand on va revenir dans la méditation, vous allez entendre. Quoi qu'en allemand, il en ait parlé un temps soit peu de cela. C'est justement ce que la parole fait en nous. Donc ce que vous voyez avec les yeux, on doit le contempler cette fois-ci avec les yeux du cœur pour que la parole puisse y entrer. D'accord, mon frère? Amen. Mais tu as des grandes questions comme ça. Hein. Canada, vous voulez me faire comme je veux. Vous pouvez faire comme ça ici chaque soir. Waouh. En tout cas, des questions. Pourquoi ça me dit toujours encore? Il y a des questions, mais c'est mon frère. Il y a des questions. La prochaine fois. Ok. Bonne soirée donc. Que le Seigneur vous bénisse. C'est la conclusion. Mon frère, il y a des questions. Il y a des questions. Vous voulez continuer? Oui. Oui. Bon, je voulais savoir, je lisais dans, quand je lisais aujourd'hui dans Galates, et quand Paul parlait de la dissimulation de Pierre, de sa idée de dissimulation, je me suis posé la question à savoir, est-ce que c'était, parce que c'est pas, ça s'appelait d'abord Simon, donc il voulait du sable mouvant. Et quand je suis allée un peu plus loin dans ma méditation, j'ai réalisé que c'est pas ça, il a renié 3 fois le Seigneur. Et là maintenant, après le baptême du Saint-Esprit, il a encore une idée de dissimulation. Je me suis demandé, est-ce que... Le jour qu'on va se rencontrer au ciel, tous le procès que tu fais sur mon frère Pierre, on va régler ça en haut. Donc, tu essaies de le pister, tu le pistes partout. Là, qu'il avait fait comme ça, il a fait comme ça, il a fait comme ça. Tu cherches comme derrière Pierre là, ma soeur. Pierre t'a pris quoi? Il t'a cherché. Tu cherches quoi derrière lui? Ma soeur, là, la connexion se dérange. On devait passer des bons moments là. Non, maintenant. C'est les questions que je me suis posées. Et c'est encore le même Pierre. Un Pierre, c'est lui maintenant qui dénonce la discrimination. J'ai dit, waouh, c'est le même maintenant qui a dit, fuyez, rejetez, renoncez la dissimulation. L'autre facteur que tu as oublié, l'autre facteur que tu as oublié, c'est le facteur des périodes. Pour un cas, il a fallu 20 ans. Donc, on voyait, on écrit comme ça, que Pierre et Paul, on fait comme ça. Il dit que c'est 14 ans qu'il est monté à Jérusalem. Quand il dit 14 ans, c'est après sa conversion. En tout temps, Pierre était là dedans depuis. Donc, il faut, quand vous lisez la Bible, comme on ne met pas les chronologies, vous voyez pas ce qu'il en est. Et puis maintenant, vous voyez effectivement que c'est la deuxième lettre, dans l'une dans l'autre. Le Seigneur m'a dit qu'il vient te quitter. Il est dans les 50 ans comme ça de ministère. Et donc, quand tu lis, tu as comme l'impression qu'il y a des crises, on meurt toujours du lendemain. Il faut faire attention, d'accord, ma soeur. Il y a des choses en tant que chrétien que vous tolérez aujourd'hui. Que vous ne tolérez plus aujourd'hui. Il y a de ça 5 ans. Si on vous disait ça, vous devez gifler quelqu'un, pas vrai? La sœur Alain de Maryland parle. Ma question, c'était dans Romains chapitre 7, verset 3. Ça s'applique seulement aux femmes ou bien aux hommes aussi? On a parlé à la femme là-bas. C'est aux femmes. C'est bien comme tu as constaté. T'inquiète pas, il y a la septième partie du mariage concernant le divorce. On va y revenir. Donc, comme on a dit là, c'est pour elle. Donc, des questions, ma soeur? Oui, mon frère. Oui. Tout à l'heure, là, c'est tu as voulu insister sur la repentance. Oui. Mais tu t'es encore abstenu. Alors que c'est important parce que ça va nous aider, nous aussi, à. Parce que tu as dit, si la façon, enfin, j'ai essayé un peu de comprendre, j'ai essayé de comprendre un peu le fond de ta pensée. Quand tu as parlé de repentance, En fait, vous savez. Ces choses-là, c'est tellement profond que je crains de me faire mal comprendre. Vous pouvez vous repentir en récitant les mots, en disant « Seigneur, pardonne comme ça, en fin de compte, vous n'avez même rien fait selon les Saintes Écritures. » Vous savez ça, n'est-ce pas? En tout cas, quelqu'un peut même vous demander pardon pour quelque chose, oui, je te pardonne. Mais arrêtez, que le pardon n'est pas du cœur. Pardon? Au fur et à mesure que vous entrez devant le Seigneur, au fur et à mesure, le Seigneur va ramollir notre être, ramollir notre caractère, ramollir notre cœur. Tout se passe dans l'intimité. Allez dans l'intimité. D'accord? Vous allez dans l'intimité, qu'il y a des choses qui ne peuvent pas faire, ça tombe automatiquement. Ça tombe automatiquement. Souvenez-vous, lorsque l'ange qui est venu libérer l'apôtre Pierre dans la prison, dans le livre des Actes chapitre 12, en sa présence, ses chaînes sont tombées. Vous vous souvenez cela, n'est-ce pas? Amen. Si en la présence, la chaîne est tombée, l'ange ne s'est pas baissé pour essayer d'ouvrir la chaîne, jamais. Non. Imaginez donc dans la présence du Seigneur, c'est qu'il débarrasse de nous. Allons seulement vers lui. N'essayons pas de dire qu'il faut que j'enlève tes choses, d'aller vers le Seigneur, enlève tes choses. Allez tel que vous êtes. Allez comme ça, il connaît. Il vous y attend. Il vous attend. Allez comme ça. La colère, les amertumes, tout cela. Allez. Vous allez sortir. Quelqu'un va venir encore dire que telle a fait comme ça, dire que c'est la dernière fois. Que Dieu vous bénisse. Canada la sainteté, bonsoir. Bonsoir. Qui parle alors? Dans quelle question? Tu me prends à la fin, s'il te plaît. Ok, à la fin. Oui. En tout cas, moi, je vous conseille, soyez violent, rentrez dans la prière, d'accord? Dans la prière. Parfait. Amen. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, à samedi. Serafina Makisosoli, là, dans son cœur violent. Canada, la sainteté, bonne nuit. À samedi, plaise au Seigneur. Bonne nuit, mon bien-aimé. Bonsoir pour le frère Eden qui va commencer, qui va continuer la deuxième partie. Bonsoir, lui. Enfin, mercredi ou samedi? Vous avez dit mercredi, vous avez dit mercredi, tout le monde n'est pas là. Vous avez dit mercredi, tout le monde n'est pas là. Il faut que tout le monde y soit, n'est-ce pas? Oui. Donc, disons-nous à samedi. Eh bien, même si mercredi, il va venir travailler, il va tomber à travailler sur autre chose pour que ce thème-là soit travaillé avec tout le monde. D'accord?